Bonjour, bonjour, bien sûr, c'est Bulle de Rêve Radio Libertaire, 2 heures sur le cinéma d'animation en direct, bien évidemment, avec plein de monde aujourd'hui dans le studio. Je vais vous les présenter, bien sûr. Nous devons le générique aujourd'hui de l'émission à 2 personnes dont j'ai pas retenu le nom. Bien joué, Alexis, t'as bien travaillé. Ça va, tu commences pas. Kyle Dixon et Michael Steinstein, c'est tiré de Stranger Things, la fameuse série dont la 2e saison vient de passer. Une série qui d'autant plus passionnante qu'elle. Alors, déjà, moi, elle va dans les années 80, toute une partie de ma jeunesse et de mon enfance. Et en plus, avec une série, je trouve, admirablement bien écrite, notamment au niveau des personnages, beaucoup plus complexes les uns que les autres et sans réellement de méchants, ce qui est assez rare, ce qui est assez agréable dans ce genre de cinéma. Donc, voilà, une très très belle série. Je me suis dit, avant de commencer, normalement quand je commence, je fais une petite intro et je râle tout le temps. Et je me suis dit, si pour une fois on ne râlait pas, si pour une fois on essayait de réfléchir sur quelque chose, ou en tout cas de dire, putain, il y a quand même des gens qui font des belles choses. Vient de sortir une, vous ne pouvez pas le voir, mais les invités autour de moi le voient, vient de sortir une revue qui s'appelle Marimo. Marimo, c'est cette volonté, encore une fois, désespérée mais toujours passionnante, de personne de sortir une revue papier. Je répète, une revue papier. C'est-à-dire aujourd'hui, sortir une revue papier, c'est complètement de la folie, donc c'est forcément bien. Et ça, c'est génial. Et une revue papier sur le cinéma d'animation. Alors là, c'est carrément délirant, une revue papier sur le cinéma d'animation. Je trouve ça fascinant, des gens, je sais pas du tout, il n'y a pas de pub à l'intérieur, je sais pas comment ce magazine est financé. On mélange aussi bien Don Bluth que des animateurs syriens, par exemple. On va avoir une réflexion sur le cinéma en général, alors là sur la maison. Elle est conséquente, hein, elle sortirait 2 fois par an, il doit y avoir quasiment une 120 pages, c'est avec un album, énormément d'illustrations, ouais, c'est vraiment très beau. Vous avez aussi des choses qui ne sont pas sorties, dont tout un travail sur Un homme est mort, qui est un film qui devrait bientôt passer sur Arte, qui est une adaptation d'une BD qui explique un petit peu l'adaptation. Enfin, je trouve ça très étonnant. J'aime pas tout et c'est ça qui me passionne, c'est que finalement je me rends compte que ça montre vraiment une diversité du monde de l'animation tel que le monde de l'animation est, et je trouve ça fascinant. Elle est en français et en anglais. Je vais la passer à Nicolas Tisse, mon invité, qui la regarde derrière mon épaule depuis tout à l'heure en se disant « Mais c'est quoi ?» Donc, je vais passer. Mais en tout cas, je voulais dire bravo. Je voulais faire une interview au moins d'une des deux qui a lancé ça. Malheureusement, une est en Angleterre et l'autre est partie en Nouvelle-Zélande il y a peu de temps. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué, évidemment, pour les interviewer. Elle s'appelle Adeline Martel et Ingrid Mengdel. Je suis désolé pour le si j'écorche les noms. Le nom, c'est Marimo Mag, donc c'est Marimo, donc M-A-R-I-M-O. Et si vous voulez trouver sur internet, c'est www.marimomag.com. Voilà, on râle beaucoup, et moi le premier, en disant là, j'avais commencé à me dire, oh, je vais faire un édito sur ça. Et puis finalement, je me dis, tiens, c'est quand même bien agréable, parce que l'important, c'est aussi, après de râler, c'est de se rendre compte qu'on peut aussi, pourquoi pas, essayer d'être heureux et d'avoir des choses qui sont, en tout cas, assez passionnantes. Donc je la passe enfin à Nicolas Tisse, qui, ça y est, les mains en feu de Nicolas Tisse viennent de se calmer, puisqu'il a enfin le magazine. Aujourd'hui, nous allons parler de mythe et réalité, la French Touch. Voilà, savoir un petit peu ce qu'il en est avec Laurent Vallière. Bonjour Laurent. Bonjour Alexis. Vous avez déjà entendu autour de ce micro et qui a écrit un livre sur la French Touch, ça tombe bien. Donc on va commencer avec ça, on va lui poser quelques questions par rapport à ça. Et ensuite, on va enchaîner avec lui et avec Francis Gavel. Bonjour Francis. Bonsoir Alexis. Et Nicolas Tisse. Bonsoir. Qui a levé le nez du magazine pour nous dire bonsoir, merci à lui, et avec qui on parleront de savoir, voilà, dans savoir peut-être un peu plus sur cette fameuse French Touch, qu'elle en est, est-ce qu'elle existe, etc. Et donc parler un petit peu plus. Et à la fin, je leur ai demandé, chacun, nous dirons à peu près une dizaine de noms qui leur paraissent importants dans le monde de l'animation français. Juste avant, nous recevrons Sylvie Porte. Bonjour Sylvie. Bonsoir Alexis. Pour le Carrefour de l'animation, événement, vous le savez, majeur de cette fin d'année. Ça s'est déplacé d'une petite semaine, ça sera dû, Sylvie, 13 au 17 décembre. Voilà, avec des invités assez exceptionnels. Encore une fois, une projection là aussi, un peu comme pour Marimo, je disais, qui nous montrera la diversité du monde de l'animation. On va avoir des jeunes studios, on va avoir un réalisateur japonais, on n'en dira pas plus, Sylvie va nous en parler, mais qui a fait énormément de longs métrages, peut-être. Ça serait intéressant, peut-être l'une des personnes qui a fait le plus de longs métrages au monde, peut-être aujourd'hui, avec ses 13 de Crayon Shin-Chan. Il faudrait réfléchir, mais à mon avis, il est peut-être l'un des plus prolifique et énormément de choses, des étudiants, on le sait bien, elle va nous parler de tout ça, les pros, mais voilà, c'est toujours intéressant cette idée de présenter encore une fois toute cette diversité de l'animation. Avant ça, comme d'habitude, et avant de partir sur Sylvie Porte, on va sur El Carrefour de l'animation. Il y a aussi elles sont pas forcément censées parler, mais je voulais vous dire, il y a Anaïs qui est une étudiante, première année de l'ENSAD. Bonjour Anaïs. Bonsoir. Voilà, qui pourra, si elle veut, parler et dire ce qu'elle veut. Et on a Blanche. Bonjour. Bonsoir. Qui n'était pas du tout prévenue qu'elle allait parler, puisque normalement elle est là, c'est passionnant. J'ai rencontré la semaine dernière et qui veut faire une thèse, je peux dire une thèse en philo sur l'animation. Donc pour nous, ça nous intéresse et pourquoi pas. Enfin voilà, si elle a envie aussi évidemment de parler, d'avoir quelqu'un qui est hors petit monde de l'animation, ça serait avec grand plaisir. Et juste avant ça, mon album du mois, même si je les déteste, parce que faire une place à 60€ pour le Zénith, alors qu'on prône la révolution, c'est quand même pas possible. Faut arrêter de foutre la gueule du monde. Donc je ne suis pas allé. Mais évidemment, j'aurais aimé y aller. C'est la piste 2 qui s'appelle Hail to the Chief, une espèce d'apostrophe de l'espèce de personnage ignoble qui est aujourd'hui à la présidence des États-Unis. Le groupe s'appelle Prophet of Rage. C'est un mélange entre Rage Against the Machine, Public Enemy, Cypress Hill. Donc ce qu'on peut presque faire de mieux dans ce qui est contestataire dans le rap et dans le rock. On écoute Hail to the Chief et on revient juste après. Motherfucker didn't even run. Hero, here he comes. All hail to the chief. Donc c'est Prophet of Rage, superbe album. Je vous le conseille vraiment pour les amateurs de Rage Against the Machine, par exemple. C'est, on pouvait se demander si ça allait tenir la hauteur, et je vous promets que l'énergie contestataire de Chuck D, Public Enemy et des gens de Rage est toujours, toujours aussi forte. Et ça doit avoir le coup quand même. Ils sont passés au Hellfest l'année dernière, ça devait être quelque chose. Je peux bien me plaindre un petit peu, c'est mon émission. Allez, j'arrête. On va maintenant parler du carrefour de l'animation avec Sylvie. Je le marquais dans un article récemment que je faisais sur The Web Anime en disant, on s'est battu, à chaque fois on a peur, on a toujours l'angoisse que le carrefour à un moment donné s'arrête. Il y a eu un moment donné, il est là, il est présent, heureusement pour nous, heureusement pour le monde de l'animation. Merci de tenir. Merci à vous, merci à toi aussi qui... Écoute... l'a bien défendu à travers tes articles. C'est merci. Très, très, très important. On commence peut-être par, je ne sais pas, peut-être le pas le thème principal, mais quasiment qu'un pays qui est mis à l'honneur. Qui est mis à l'honneur. Hein, on pourrait peut-être commencer comme ça. Tout à fait. Donc, on s'est dit cette année qu'on ne pouvait pas faire cette édition sans fêter le centenaire de l'animation japonaise. Donc, nous aurons un très bel invité qui s'appelle Keiichi Hara, qui est, pour les films les plus connus, c'est le réalisateur de Colorful, d'Un été avec Kou, de Misokuzai. Et puis c'est aussi, alors peut-être il est moins connu dans ce sens, le réalisateur de Crayon Shinchan. Il a fait quand même pas moins de 13 longs-métrages, et donc il en présentera un, donc tout à fait, je pense, méconnu du public français, donc ça on est vraiment très contents. Il sera avec nous toute la durée du festival, et donc ça va être une belle édition. Il va faire aussi une masterclass que tu auras le plaisir, cher Alexis, d'animer, donc voilà. Merci. Donc ça, c'est qui sera une très belle séance, tout à fait, le dimanche. Juste avant la cérémonie de clôture, donc voilà. 18h. Je ne vais pas donner tous les programmes par jour, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, ça le programme est en ligne, sur forumdesimages.fr. Vous allez à la rubrique Programme Carrefour du cinéma d'animation. Vous avez toutes les séances, tous les invités et tous les films. Voilà, tout est en ligne maintenant. Je vais parler aussi des autres invités qui sont quand même importants. Le parrain cette année du Cadavre Exquis Animé. Tu sais que, vous savez, comme chaque année, on demande à un artiste différent d'être le parrain de notre Cadavre Exquis Animé. Qu'est-ce que le Cadavre Exquis Animé? Cadavre Exquis Animé, pardon, c'est la réunion pendant 4 jours au Forum des Images d'une 60aine d'étudiants qui viennent des écoles de cinéma d'animation qui participent au Carrefour, et donc qui sont réunis chez nous et qui animent en fait en direct sous les yeux des spectateurs ce qu'on appelle une animation chaînée, donc qui partent en fait de l'image qui est créée tout spécialement pour le Cadavre Exquis de l'invité. Donc cette année ça sera Bastien Vivès qui sera donc le parrain du Cadavre Exquis. Ils auront tous la même image de départ qui devra se trouver au début de chaque animatique, de chaque équipe en fait, et qui devra aussi se retrouver à la fin de l'animation chaînée. Donc il y aura environ 7 à 8 équipes, et donc on montrera... Non, il me semblait qu'il y en avait 8 équipes. Non, il me semblait qu'il y en avait plus 8, d'habitude. Je suis en train de dire bêtises, pardon. Je confonds avec un. Il y aura 15 équipes, ah, pardon. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça, hein, c'est... voilà, beaucoup de chiffres en tête. 15 équipes, 60 étudiants, ouais. Voilà. et donc la réalisation finale sera montrée en soirée de clôture le dimanche 17. Qu'il faut voir, parce que les 60, souvent, en tout cas, beaucoup d'étudiants sont là. Ouais, et il y a un côté vraiment très festif. Oui, c'est très festif. Et ce qui est très sympa, c'est que chaque équipe utilise la technique de son choix. Ouais. Donc ça, c'est bien. Voilà, on aura cette année, on a la chance d'avoir un partenariat avec TVPen, donc ce qui permettra aux étudiants, plutôt que de craquer les licences TVPen, d'avoir des licences officielles et de pouvoir tout à fait librement utiliser le logiciel, parce que c'est vrai qu'on avait constaté l'année dernière que beaucoup en fait d'entre eux utilisaient ce logiciel d'animation. TVPen, ils connaissent pas, c'est une espèce de logiciel maintenant presque trop. Une espèce de miracle de logiciel un petit peu que la plupart des animateurs utilisent parce que ça peut donner de manière plus facile, on va dire, que d'autres logiciels, Photoshop, etc. Un travail beaucoup plus, enfin voilà, presque organique, etc. Michael du Doc de Vide qui était là l'année dernière, on avait très justement parlé parce que La Tortue Rouge avait été parmi de nombreux longs métrages, a été fait entièrement sur TVPen. S'il vous plaît, n'oubliez pas la matière, voilà, et le côté organique de l'animation. Oui, oui. Non, mais le Cadavre Exquis, il y a beaucoup d'étudiants qui. On voit beaucoup de morceaux de pâte à modeler qui se baladent, d'ailleurs on marche dessus souvent, du papier découpé, tout ça. Donc ça, c'est très riche, très intéressant, et voilà, ça crée une formidable ambiance. D'autres invités, donc, nous aurons, qui sont associés souvent à des work in progress, donc des longs métrages qui sont en cours de production ou des avant-premières. On aura la chance d'avoir Guillaume Renard, donc Run, pour la présentation, donc, qui est le co-réalisateur de Moutafoukaz, le film, donc, coproduit avec le célèbre studio d'animation japonais 4 degrés C. Voilà, en avant-première. Nous aurons des invités comme Zabou Bretman, qui est co-réalisatrice des Hirondelles de Kaboul. Donc elles présenteront avec les Armateurs, donc qui est le studio de production, leur long métrage en cours, Les Hirondelles de Kaboul, qui est un long métrage adapté du roman de Yasmina Kadra. Je suis en train de lire, j'espère l'avoir terminé pour le. Voilà, donc je vous encourage à le lire. Et donc c'est un film, je crois, qui devrait normalement sortir aussi en 2018. Nous aurons, hein, ça me permet de rebondir sur le deuxième work in progress de long métrage, parce que. C'est aussi l'un des temps forts du Carrefour. On accueille comme ça chaque année des courts-métrages en cours de production. Donc Michel Ouslo nous fait l'honneur aussi de nous présenter les premières images de Dilili à Paris, son prochain long-métrage. Donc il sera accompagné de Laurent Vallière, qui est en face de moi. Voilà. J'espère oublier personne, mais vous retrouverez bien entendu l'ensemble des invités. Il y aura aussi bien sûr des invités dans la séance politique animation, donc une séance qui m'est chère, une séance de courts-métrages internationaux. Et là, j'aurai le plaisir de recevoir trois réalisateurs. Il y aura Lou Blaster, alias Louise Druel, qui présentera Al Ouria Freedom Liberté, qui est un superbe court-métrage sur les conditions de vie, la vision un peu plus que délicate sur les conditions de vie des personnes exilées à Calais. Je recevrai pour la... Juste quelqu'un qui est rentré maintenant, c'est intéressant quand les gens... Qui est une ancienne étudiante de l'ESSAT de Roubaix, bien sûr. Et qui est maintenant dans la politique, oui, puisqu'elle s'est présentée aux dernières élections sous la bannière, je crois, écologie, enfin vert, etc. Ouais, voilà, ouais, donc c'est quelqu'un qui est aussi épolitisé, on va dire, dans sa vie de tous les jours, enfin voilà, dans un autre travail, ou dans un autre combat qu'elle mène. Ouais. Mais elle le fait très bien, en tout cas, c'est vrai que c'est... Il y aura le dernier court-métrage de Borislav Sachtinak, donc qui est un peu un habitué de cette séance au Forum des Images, donc qui nous présentera 3013, qui traite en fait du sort d'un évadé de prison perdu dans le désert. Et puis je recevrai Amer Al-Barzaoui, qui est un réalisateur syrien qui vit en France, qui avait fait il y a 2 ans une petite animation qui a beaucoup été diffusée sur YouTube sur l'invasion de l'État islamique, l'invasion de la ville de Raqqa en Syrie. Et il a présenté cette année à Annecy un court-métrage qui s'appelle Yaman. Qui était, juste pour rappeler, parce qu'il était important, et ce premier court-métrage était très très simple, mais en effet, voilà, oui, en stop-motion, voilà, une femme, qui se voilait au fur et à mesure de l'avancement de l'État islamique, voilà, tout à fait. Et donc, ce film nous plonge un peu dans le monde d'un petit vendeur de mouchoirs qui se rêve inventeur. Donc, c'est un très, très joli film. Et on aura un échange ensuite d'environ une heure avec Pierre Puchot, qui est un journaliste, qui est un spécialiste du Moyen-Orient et du Maghreb. Il a sorti de nombreux ouvrages très intéressants. Le premier, donc, c'était sur la Tunisie. Il a fait un très bel ouvrage sur le conflit israélo-palestinien. Il vient de sortir un nouvel ouvrage, là, la semaine dernière, sur le djihad. Donc, voilà, il a vu quelques films et tout ça, et ça devrait être intéressant, le point de vue entre un journaliste, reporter, puisqu'il fait aussi des reportages, et justement ces cinéastes d'animation qui sont, voilà, qui on reflète un petit peu la politique à travers les images animées. Comment je prends le... Tu as des questions Non, mais après, ce qu'on peut faire, c'est qu'en effet... Donc, le Japon à l'honneur, Japon, j'en ai parlé. L'avant-première, on peut parler des avant-premières, parce qu'il y aura des avant-premières. Film de Yuasa Masaaki de cette année. Voilà, tout à fait. Donc, on ouvrira le festival avec le deuxième long-métrage donc il a eu cette année, évidemment, Lou et l'île aux sirènes, avec le cristal à Annecy. Donc, on présentera, nous, son autre long-métrage, Nighty Short Walk On Girl, pardon pour mon accent affreux. Voilà, merci Alexis. Donc ça sera la soirée d'ouverture le 13 décembre. Et un autre long métrage en avant-première, qui sera donc en soirée de clôture, qui est Fireworks, donc qui lui sortira au cinéma. Alors j'en ai pas parlé, mais le film de Yuasa n'a pas pour l'instant prévu en tout cas de sortie au cinéma, alors que Fireworks normalement devrait sortir début 2018 chez Eurozoom. D'accord. Donc là, ça sera la soirée de clôture le dimanche 17 décembre. On aura aussi un autre très beau film émouvant, cette fois-ci d'une jeune réalisatrice japonaise, donc c'est assez rare, A Silent Voice de Naoko Yamada, qui traite un peu de la... sur la différence, le harcèlement. Donc c'est un film que moi que j'ai vu à Annecy qui m'a beaucoup touchée. Lui non plus n'a pas pour l'instant de sortie cinéma, donc on est aussi à ce titre, le Carrefour est doublement content de présenter aussi des œuvres qui ne connaissent pas forcément la sortie, la voix des salles de cinéma. Nous présenterons le film du réalisateur chinois Dian Liu, qui était venu il y a quelques années au Forum des Images. Donc on présentera son dernier film Have a Nice Day, qui avait été censuré cette année à Annecy. Donc, oui, alors juste pour rappeler, on avait parlé d'une censure un peu plus économique, on va dire, réellement politique, même si elle y était, puisque Pierre Singwan était passé à Annecy sans aucun problème, alors qu'à mon avis, en plus, Pierre Singwan est largement plus politique que Have a Nice Day, et qu'en effet, cette année-là, la Chine était invitée d'honneur à Annecy, qu'évidemment, ça les embêtait d'avoir ce film qui, en effet, fait en dehors des courants de ce qui se passe dans l'animation un peu chinoise, mais en tout cas, c'est un film, si vous voulez voir, si vous voulez vous rendre compte à quel point l'animation chinoise est aujourd'hui ce qui se fait sûrement de plus intéressant dans le monde, en tout cas là c'est moi qui le dis et je le maintiens, venez voir quand même Have a Nice Day, parce que même si moi je trouve un peu moins bon, ça reste quand même d'un seul coup un vrai langage nouveau, à mon avis, qu'on commence à voir dans le long métrage animé. Donc c'est assez fascinant. Tout à fait. Puis après, il y a d'autres longs métrages qui ne sont pas forcément des avant-premières, donc qui sont des films. On peut juste parler de un film inédit que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est assez exceptionnel au niveau de l'animation. C'est SL et Ernest. Oui, j'allais en parler, parce que ça va avec le making-of. C'est une séance. Oui, on est tous d'accord. Ah ouais, non, c'était une des belles découvertes à Annecy. C'est aussi un film qui n'a pas pour l'instant de sortie cinéma. C'est bien un scandale, parce que là, on est sur un film. Donc adulte, grand ado adulte, comme c'est pas un film français, je t'avoue que j'y crois assez peu parce que comme c'est pas un film français, les distributeurs y vont pas, comme c'est pas non plus un film japonais, on n'est pas dans cette culture du Japon, on est là sur un film anglais qui vient faire la biographie aussi des parents de Raymond Briggs, c'est une chronique intime et donc ça, la chronique intime, t'es sûr que tu vas te planter quoi. Et c'est dommage parce que juste vraiment pour conclure ce que disait très bien Francis, c'est un film qui pour moi au niveau du long métrage aussi, et ça on a besoin que ça sorte, amène comme un peu Louise en hiver avait commencé à l'amener, mais alors là beaucoup plus loin, amène quelque chose qui se fait pas ou seul, comme Satoshi ou quelques-uns le faisaient, ou des fois au Japon on peut le faire, amène quelque chose qui est vraiment un récit du quotidien de deux personnes, où finalement, à part si on voulait dire cette phrase stupide, mais à part un ou deux moments, il pourrait être fait en prise de vue continue, comme on dit, et que d'un seul coup, il n'a aucun intérêt à être fait en prise de vue. Enfin, la création là se fait en animation, et je trouve que là, il y a quelque chose de, encore une fois, comme nous en hiver, enfin, de réjouissant dans les longs métrages animés. On aime ou on n'aime pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, et que je trouve qu'on passe à côté en ne sortant pas ce genre de film de grands mouvements qui se passent dans le monde de l'animation. Voilà, donc on présentera effectivement Ethel et Ernest, et donc la séance sera suivie d'un making-of du film en présence du directeur de l'animation, donc ça on est aussi très content de le recevoir, Peter Dodd. Après je vais parler peut-être des courts-métrages, je vous invite à vraiment aller voir sur le site parce qu'il y a énormément de longs-métrages, d'autres longs-métrages que je ne vais pas tous citer pour laisser aussi la parole aux autres invités. Je vais parler du festival de courts-métrages, on a une sacrée bonne cuvée encore cette année de courts-métrages, donc courts-métrages français, internationaux. Il y a donc, comme chaque année, on essaye de faire découvrir les dernières productions françaises, donc il n'y a pas moins de 3 programmes de courts-métrages français qui sont présentés en présence de nombreux réalisateurs qui seront là. Le dernier film de Sébastien Lodenbach, c'est ça que tu voulais dire? Non, parce que le film de Sébastien Lodenbach, à la rigueur, est. Mais déjà été diffusé. Et visible sur Internet. Alors que vous savez que vous avez des choses comme le dernier film de. Alors, vous le savez autour de ce micro, j'en ai souvent parlé, évidemment, le film de Gilles Cuvelier, qui s'appelle Full Time Job, mais aussi, parce qu'il est. Le dernier film de Rosto, qui a été confirmé, qui sera sûrement. La première diffusion du film de Rosto, à mon avis, dans le monde. Donc voilà, c'est une bonne occasion de voir le film. Sortira du laboratoire juste avant le Carrefour. Ouais. Donc comme ça arrive chaque année, ça c'est formidable. Festival de courts-métrages. Et tu me disais, avant ça, j'aimerais que tu me parles, parce que tu disais que tu étais très content, notamment de la fournée de plein de réalisatrices passionnantes de l'ENSAD, dans quelques années. Les films d'école, bien sûr. d'école. Bien sûr, j'ai parlé du Cadavre Exquis. Il y a pas mal, dont, pas... le film de Camille Almeraz, qui est une réalisatrice que je suis depuis longtemps. Oui, alors, ici. Cette année, donc, c'est vrai que... Mais d'ailleurs, c'est de cette année et depuis quelques années, c'est, on a, donc, il y aura quatre films. Il y a quatre panoramas de films d'école. Et pour l'ENSAD, il y a quatre films de jeunes réalisatrices. Effectivement, tu as raison. Quatre bons films. Quatre très bons films. Ça, j'avoue que j'ai un vrai coup de cœur pour les films de cette année de l'ENSAD. C'est, Qu'il faudra voir. Donc, il y a quatre panoramas de films d'école que nous allons... alors, il n'y a plus là, on a abandonné la compétition de films d'école qu'on avait instaurée il y a 2 ans. Donc, il n'y a pas de compétition. Mais on va faire une rediffusion pour permettre aux gens de pouvoir les revoir durant ces 4 jours. Et puis, ils seront visibles en salle, bien sûr. Et puis, ils sont visibles pendant les 4 jours dans notre salle des collections. Donc, ça permet d'y aller à n'importe quelle heure, de midi et demi à 21h le soir, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller en salle. Et le temps passe vite. Donc, on va passer à quelque chose qui est important. Oui, qui est important, je voulais signaler, c'est la journée professionnelle que l'on a instaurée cette année, qui se déroulera le jeudi. Le 14 décembre. Et donc, c'est une nouveauté. Donc, ça permettra un peu d'aborder différents thèmes propres au cinéma d'animation, tels des work in progress, mais qui ne seront pas dans le temps impartis d'un work in progress ordinaire, type Dilili, mais qui seront plutôt sous forme de ce qu'on appelle pitch work in progress, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisamment avancé pour en faire un work in progress d'une heure et demie, mais. Suffisamment, j'ai envie de dire intéressant, parce que c'est un projet, je vais parler de ce projet que je suis depuis déjà 3 ans, qui s'appelle Young Pérez à point fermé, qui est un projet de Jean-Jacques Kahn et Franck Van Leven. Donc ils seront là tous les deux pour présenter ce projet. Donc c'est des sessions de 45 minutes, et c'est vraiment des sessions professionnelles. Alors c'est ouvert à tous, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc... Oui, c'est ça en fait. Les journées professionnelles, ça s'appelle, je me posais la question, c'est ouvert à tout le monde. Oui, ça s'appelle journée professionnelle, mais c'est pas que pour les pros, c'est pour le grand public aussi. Oui, ça sera ouvert au grand public, oui. D'accord. Mais pour dire que dans ce type de rendez-vous, on le sait très bien, nous qui fréquentons tous ici autour de la table des festivals, on sait pertinemment qu'il y aura une majorité de professionnels. Quand je dis professionnels, ça peut être un réalisateur, un animateur, un producteur. Mais les étudiants peuvent venir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais les étudiants le jeudi 14, ils sont sur le canal. Alors après ils s'arrangent pour aller voir. Il y a d'autres choses. Alors il y a quand même un réalisateur aussi que je tiens à souligner parce qu'on l'aime beaucoup. C'est Santiago Caicedo, Ouais, ça c'est intéressant. Qui nous fait le grand honneur de venir du Brésil. Santiago, on avait diffusé ses films. Il vient du Brésil. Parce qu'il est colombien, Il vient de Colombie. Oui, je dis n'importe quoi. Non, c'est pas grave, c'est pas du tout. C'est mon envie de voyage, là. Grande envie de partir ailleurs. Non, bien sûr. Donc, je sais pas pourquoi j'avais le Brésil en tête. Et Santiago, donc, juste pour faire une petite marche arrière, on avait présenté ses films en relief. Et c'était d'ailleurs, il y a 3 ou 4 ans déjà, c'était d'ailleurs la dernière année de l'atelier images informatiques de l'année. Qui a fermé ses portes juste après qu'on ait projeté ses films en 3D relief. C'était la première projection en 3D relief du Carrefour. Donc on est content qu'il revienne à cette occasion. Il fera une rencontre et il nous montrera les premières images de son. Enfin, quelques images de son long métrage Virus Tropical, qu'on n'a malheureusement pas pu vous montrer en salle. Et puis, il y a d'autres rencontres très intéressantes. Il y a notamment Les Valseurs, qui est une petite société de production, distribution de courts-métrages. Ils sont sur un très beau projet transmédia à partir de la bande dessinée de Benjamin Lacombe. Donc, ils viendront présenter un peu ce projet qui se décline à la fois en série, sur tablette, bande dessinée, etc. Tout ça en animation, bien sûr. Et puis, ce jeune studio Bobby Pills, qui réunit les nouveaux talents de l'animation française, qui présentera 3 premiers projets, que vous retrouverez aussi en ligne sur le site. Je vais juste te dire... juste reparler quand même sur le Focus Japon, c'est qu'il y a du Japon tous les jours, et on a aussi on vous propose aussi une soirée culte Japon, donc qui commencera à 18h et qui se terminera à 1h du matin, et donc le public pourra enchaîner avec trois chefs-d'œuvre de l'animation, donc Souvenir goutte à goutte de Takahata, Nausicaa, je le donne pas dans l'ordre, je crois qu'il y a Tokyo Godfather entre de Kon Satoshi, et on finira par Nausicaa, la vallée du vent de Miyazaki. Et moi, j'aimerais dire le dimanche 17 décembre, 14h30, parce que c'est toujours bien quand les gens sont borderline, comme on dit, désolé du mot, mais entre animation et prise de vue continue, la séance spéciale, donc 9 mois après JCA, donc un hommage à Jean-Christophe Averty, oui. Qui en effet pose question de qu'est-ce que l'animation, qu'est-ce que pas l'animation. Ça, je trouve ça assez fascinant. Et puis, il y a le film de Bazin aussi. J'allais justement parler, Nicolas. Dans nos séances rétrospectives. Nicolas, hommage, est-ce que toi, tu peux nous en. Non, tu n'as pas vu, mais est-ce que tu sais, parce que c'est tiré, tu sais, d'un scénario, parce que Nicolas, est un grand connaisseur de l'œuvre de Pierre Hébert. Est-ce que tu sais, parce que c'est tiré d'un scénario de Bazin, ça qui n'a jamais, c'est ça, qui a jamais c'est été tourné tiré et... d'un scénario que Bazin avait écrit, et il est mort trop tôt pour le faire, qui date de la fin des années 50, sur les églises, c'est un documentaire sur les églises de Saint-Onge. Donc voilà, et en fait. De Charente-Maritime, mais il couvre plus large donc, que Saint-Onge. Moi, je l'ai vu. C'est toute la région de Saint-Onge, voilà. Donc autour de. C'est en l'occurrence ma région, donc ça m'a beaucoup touché. Et en plus, c'est un. Comment dire. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment un film tiré de la série Lieux et Monuments de Pierre Hébert. Peut-être, là j'avoue que je. Et donc en fait, c'est vraiment. Je sèche là-dessus. Il filme un monument et en fait, après, il va animer, on va dire. Alors oui, il y a Voilà, mais j'ai pas vu qui s'anime. Donc. Une dernière chose, par Sylvie, ouais, Laurent, mais voilà, après, on va juste quand même. Qu'on accueille quand même, on est très contents, hein, parce que c'est une première à la fois pour eux et pour nous, les European Animation Awards. J'allais faire le lien, c'est pour ça que je t'ai pas relancé par rapport. Je ne sais pas si Francis décide de parler des européennes parce qu'il m'avait lancé là-dessus. Donc je vais lui redemander après. Moi, je voulais juste dire qu'on accueille le palmarès, donc une partie du palmarès, donc juste après la cérémonie du 8 décembre. Donc ça sera le 15 décembre. Voilà, c'est tout. Non, je voulais juste. Je vois que vous faites une séance autour du SIGGRAPH. Oui, le jeudi 14 comme chaque année. Décembre, on accueille le best-of. Le best-of. Et donc, moi, je l'ai vu, le best-of. J'ai eu la chance de le voir. Et donc, c'est le meilleur des courts-métrages en images de synthèse. C'était présenté à Las Vegas, à Los Angeles cet été. Et il y a 5 films français dans cette sélection. C'est chaque année, il y a des films français. C'est énorme. Là, il y a le très beau film. Je suis très contente parce qu'on l'a présenté. Il y a Garde de Partie qui est. On l'a présenté l'année dernière au Carrefour. Qui pourrait aller aux Oscars. De l'école Népa. S'il vous plaît. Court-métrage. Ben oui. Bon, Alexis n'aime pas, donc on n'en parle, pas. Parlera pas. Vous n'aimez pas Garde de Partie. Moi, j'aime pas. Moi, vous n'aimez pas. J'aime pas. Je trouve qu'il est extrêmement bien. On se voit pas. Tu sais, on est Radio Liberté. Mais il y en a. On ne t'inquiète pas pour ça. Bon, après, c'est la sélection SIGGRAPH. Voilà. Mais il y en a deux. Il y a des très bons films du Mopa. Oui. Vraiment, il y a des très bons films. Oui, oui. Francis, Sylvie, est-ce que quand je t'ai dit, tiens, tu viendrais pour parler de la French Touch, tu m'as dit oui, à une seule condition, c'est que je puisse parler. Non, si, c'est une idée. De la sélection des Emmy Awards. Donc, les Emmy Awards qui est en effet qui va se tenir le 8 décembre pour la première fois à Lille, qui est une. Explique-nous ce que c'est. Qui a été mis en place par Didier Brunner, plus ou moins. Enfin, Didier Brunner a eu le prix du meilleur producteur aux Emmy Awards, prix de récompense. Il est revenu, il a dit mais comment est-ce possible qu'on ne l'ait pas fait, qu'on ne le fasse pas en Europe? Faisons-le en Europe. Il a appelé un de ses amis. Tant qu'à faire, quand on a des amis comme ça. Peter Lord, des studios Hardman. Peter, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux pas devenir président? Si, bien sûr. T'appelles Tom Moore, oui, bah, dans Cartoon Saloon. Et ils ont fait ça, ils se sont dit. Après, bon, ils ont pris un inconnu, Olivier Catherin, pour travailler. Je plaisante, Olivier. Salut, Olivier. Pour mettre ça en place. Et ensuite, en effet, ce qui est intéressant, alors moi, j'ai râlé. Parce que je trouve qu'il y a peu de catégories encore pour le court-métrage. Il n'y en a que 3, alors qu'il y en a beaucoup pour la série et le long-métrage. Il y a peu de films, il n'y a que 3 films à chaque fois, ce qui fait très peu quand. Tu veux dire 3 films récompensés? Non, il y a 3 films en sélection à chaque fois. Il y a 3 nommés. Dans les 16 récompenses qu'il va y avoir, à chaque fois, c'est que 3 nominés. Et quand c'est que ça remplaçait le Cartoon d'Or, qu'on avait 5, et vu la production aujourd'hui du cours et des films étudiants, c'est un petit peu dommage. Mais ça le mérite aussi d'un seul coup de tenter de donner des prix à des techniciens, à des gens dont on parle un petit peu moins. Donc voilà. Francis, tu voulais parler de la sélection parce que tu trouvais... Non, ce qui me fait drôle, mais ça c'est les discussions qu'on a quotidiennement, ou en tout cas de manière récurrente, c'est que une sélection est annoncée, la sélection de l'officiel à Cannes, la sélection les nommés au César, tout de suite on a du commentaire. En animation, on n'a pas de commentaires. On a de l'annonce, ce qui est très bien. Effectivement, le film français a fait une pleine page dessus. Donc, nous trouvons Alexis Huneaux cité dans le film français. On est très fiers pour lui, puisqu'il a fait partie quand même, il faut le dire, du jury qui a sélectionné donc les films étudiants et les courts-métrages. Effectivement, Stéphane Dreyfus l'a fait aussi de son côté. Et on n'a pas de commentaires. Et ce qui m'a fait un petit peu réagir d'un seul coup, c'est que je vois donc sur mon fil d'actu Facebook un vendeur international, le seul qui a un peu réagi, qui dit si je ne m'abuse, le grand méchant renard c'est super, mais c'est pas une série télé. Donc on rappelle que le grand méchant renard, je veux me faire plein d'amis alors que j'aime beaucoup le film, est effectivement au point et donc nommé en catégorie long métrage, et que le grand méchant renard, très réjouissant film au demeurant, est composé de 3-25 minutes ou, des spéciaux télé qui sont très intelligemment reliés les uns aux autres avec une petite scène de théâtre, avec des personnages absolument truculents. Et je m'interroge quand même effectivement sur le fait que le film y soit, alors que pour cette première édition des Emmy Awards, vous avez pu, membre du jury, remonter sur 2 ans de production, si je dis pas de tout bêtises. À fait, tout à fait. Donc je n'en dis pas, c'est merveilleux. Moi je peux rien dire parce que j'ai pas fait le long métrage, je pourrais commenter, mais en effet, oui, tout à fait. Oui, mais. Et je me dis, sur cette période-là, même si j'adore le film, donc c'est pas contre le film, que ce soit bien clair et que ce ne soit pas déformé, ce n'est pas contre le film, c'est juste contre sa présence, justement, alors qu'il n'y a que 3 nommés par catégorie, de dire meilleur film, il y a effectivement donc Le Grand Méchant Renard à côté, si je dis pas de bêtises. C'est La Tortue Rouge. La Tortue Rouge et Ma Vie de Courgette. Ce qui effectivement semble un peu des évidences. Mais on peut se dire, sur ces 2 ans, est-ce qu'il n'y avait pas un autre film à nommer? J'ai une réponse. Eh bien, je t'écoute. En fait, c'est le film français qui l'a donné, je trouve ça intéressant. J'ai une réponse que mes petits camarades, et en fait, je ne sais pas si c'est une vraie réponse. La seule chose, c'est que c'est le seul film quasiment dans la liste de 2017. Et récent. Et je me demande si à un moment donné, il n'y a pas eu une angoisse du jury, et c'est complètement c'est une conjecture, là je vous dis ça comme ça, de se dire d'un seul coup, on prend que des vieux films, puisque je sais que nous on a eu le problème pour Choulienne à un moment donné, moi je me suis dit, est-ce qu'on prend Choulienne qui date maintenant un tout petit peu ou pas? Après on était tous les 3 d'accord sur la qualité exceptionnelle du film, donc c'est passé, mais on s'est posé la question par exemple, est-ce qu'on prend un film des Cartoons d'or ou ce genre de choses qui avait déjà eu lieu avant? Et je pense que là, et c'est le film français qui dit d'ailleurs, qui dit, attends, c'est des films de 2016, est-ce qu'on n'a pas pu avancer? Qui va être un problème, puisqu'en 2017, malheureusement, et les jurés d'un prix que tu connais bien, le prix André Martin, on en a souvent parlé ensemble, on va avoir cette problématique qu'ont pas eu les jurés de la qu'avaient eu, mais c'est d'un seul coup, voilà, avec le peu de long métrage, est-ce qu'on considère Le Grand Méchant Renard? Et tu as tout à fait raison, ce n'est pas un long métrage. Mais c'est-à-dire que ça a été créé comme un court, et même les auteurs eux-mêmes disent, à mot couvert, mais disent, c'est quand même 3 spéciaux TV remis, on est très content, mais voilà, c'est pas... De toute façon, pour le critère, là, pour rebondir sur ce que tu dis, pour le critère long métrage, si on prend un autre prix qu'on connaît bien, qui est donc l'Académie des Césars, et le prix du César de l'animation long métrage, de toute façon, le film est sorti en salle dans l'année précédente, prix, donc il a un visa d'exploitation, donc il fera partie de la liste. Donc de ce côté-là, il est éligible, il n'y a pas de souci. Mais on sait que là, il n'y a pas un choix qui est fait. C'est tous les longs métrages qui sortent dans l'année français, quelle que soit la coproduction majoritaire ou minoritaire. Là, c'est une sélection. Et je me pose la question sur une sélection, quand on y réfléchit en tant que membre de ce jury, qu'est-ce qu'on met dans la balance? Parce que dans ce cas-là, on peut dire effectivement qu'il y avait d'autres prix, donc il peut peut-être être soit sur d'autres prix, soit il y avait surtout d'autres films, et que peut-être effectivement d'autres films pouvaient passer. Que j'aime ou pas les films. En a qui sont donc nommés pour le meilleur décor, ou les meilleurs chara-design. On est d'accord que la jeune fille sans main, Louise en hiver, qui sortait un peu justement de ces 3 de cette vision de film, aurait été fascinant. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un, ou même Ethel Ernest, puisqu'on en parlait, un film, d'un seul coup, de prendre un film qui soit justement un film un peu différent de ces 3-là, qui sont 3 films qui ont déjà eu une exposition assez énorme, à juste titre, 3 bons films, encore une fois, on parle pas de la qualité, mais moi je pense que tu as assez raison, plus quelque chose que je vais me permettre de dire, qui peut paraître très prétentieux, mais parce que autant, et je vais en parler rapidement, j'ai vécu un très mauvais jury il y a quelques temps, autant ça a été un jury, un comité de sélection absolument fascinant, je remercie Carolina Lopez et Regina Pessoa, ça a été une vraie discussion absolument passionnante, mais par exemple pour le best background, donc meilleur décor et personnage, on a pris 3 films différents, et 3 films pour lesquels on les aurait jamais nominés comme meilleurs films, mais qu'on a décidé de donner, voilà, des prix techniques particuliers. Et je trouve que pour le long métrage, on est beaucoup sur les mêmes films, et il y a quelques films qui se retrouvent 3-4 fois, alors qu'il y a plein de possibilités. Et c'est pire pour les séries, je crois. Les séries, vraiment, on retrouve les mêmes séries un peu partout, et je trouve ça dommage quand on a une telle variété, eux en ont eu en plus en long métrage et en série, qu'ils n'utilisent pas cette variété pour montrer cette variété, les justement. Pardon, les nominations sont visibles par. Sont en ligne, oui, tout à fait. Ouais, oui. C'est, sinon, c'est en ligne sur le site des European Awards. Voilà, alors c'était juste un petit peu la petite réflexion. Après, on remarquera, si on regarde effectivement les nommés pour les séries télé, qu'il y a une domination, mais qui peut peut-être aussi se comprendre, du Royaume-Uni. Où il y a effectivement, alors là, comme ça, un espèce de raz-de-marée sur les films. Alors c'est vrai qu'on a pu voir dernièrement des choses assez, un conte peut en cacher un autre, d'après Roald Dahl, qui sur un côté anime 3D, et même la version française est vachement bien. Donc bon boulot des films du Préau, quoi. Et effectivement, ça se retrouve dans la liste, quoi, ce qui est assez logique aussi, quoi. Et une domination française, on va dire, au niveau long, anglaise quasiment au niveau série et encore une fois là, je suis content, il y a une vraie un vrai mélange de nationalités au niveau des courts-métrages des étudiants, dont vous le savez à quel point c'est important pour moi, et donc je suis ravi parce qu'on l'a pas voulu, c'est pas du tout une discrimination positive ou quoi que ce soit, on a fait le choix, et une fois qu'on a fait le choix, moi je me suis rendu compte que sur les 9 nominations pour les courts-métrages et films d'étudiants, 7 étaient des femmes, donc c'est vraiment tombé comme ça, et notamment pour le meilleur film et le meilleur film d'étudiants, c'est à chaque fois 3 femmes et 3 femmes, et encore une fois, c'est pas du tout réfléchi. Je veux dire, c'est tombé comme ça. Il n'y a aucune réflexion de notre part. Je pense qu'on a choisi, en tout cas, les films qu'on voulait vraiment tous les trois. Et c'est génial de tomber là-dessus parce que ça montre que oui, le changement dont on se posait il y a encore 10 ans, la question, on se demandait avoir toutes les étudiantes qui sortaient des écoles de plus en plus. Bah là, il arrive. Et on a vraiment des gens, en plus, avec des nationalités différentes, des styles différents. J'ai Mine Borda, Anna Budov, j'arrive jamais à prononcer son nom, Anna Budanova, merci. Et bien sûr, Nicky Linders von Bar. On a des gens qui, en plus, sont dans les styles différents. Enfin, c'est assez réjouissant aussi d'avoir ça parce que, voilà, quand ça vient naturellement comme ça, c'est quand même un bonheur d'avoir ça. Merci beaucoup, merci Sylvie. Donc, on rappelle, c'est le 12 du 13 au 17 décembre. Et donc, toutes les informations sur le site forumdesimages.fr. Merci infiniment. On va faire une petite pause avec un groupe qui s'appelle Orchid. Le morceau s'appelle Stand Still. Et derrière ça, il y a Vlad Idechevi, dont j'arriverai pas à prononcer bien le nom. Je suis désolé, qui est l'un des producteurs d'un très, très beau festival qui s'appelle Animest, qui est à Bucarest, en Roumanie, où j'ai eu la chance d'aller. Très beau. Et il a un groupe pas comme c'est le style de musique que j'aime bien, quoi. Un peu métal, vous allez entendre. À tout de suite. c'est toujours Bulle de Rêve avec des invités très très très bavards qui parlent beaucoup pendant qu'on écoute la musique. C'était Orchid, donc ils ont donc O-R-K-I-D et ils ont un bandcamp et puis un site. N'hésitez pas à aller écouter, notamment j'aime beaucoup alors l'album et puis ils étaient avec un autre groupe avec dans lequel le trompettiste a aussi pas mal de une place très importante, donc ça donne un mélange qui est vraiment très très intéressant. Juste pour finir, la cérémonie des Mule Awards qui est le 8 décembre au cas où, en effet, on en parlait, il y a The Breadwinner de Nora Tuomei, que j'arrive jamais à prononcer son nom, donc je suis absolument désolé, mais qui est la co-réalisatrice de Brendan et Le Secret de Kells. La cérémonie est gratuite, ça sera à Lille, au Nouveau Siècle, et donc voilà, c'est aussi l'idée de soutenir une cérémonie qui, encore une fois, plus que la cérémonie, plus que les prix, peut-être permettre à l'animation d'être un peu plus reconnue, en tout cas montrée dans une presse, on l'espère d'ici quelques années, généraliste, ce que fait si bien de plus en plus ce superbe prix André Martin, initié par Francis Cavel. La French Touch, on en parlera peut-être un peu plus tard. C'est au départ, c'est un genre musical qui est né en France en 90, reconnu internationalement comme la déclinaison française de la musique house. Si au départ, elle se distinguait de la house music classique par l'utilisation de samples souvent puisés dans le funk et la disco, au fil des années, ses sources d'inspiration se sont étendues à tous les styles musicaux. Ses principaux représentants sont bien sûr Daft Punk, les Residents, mais en techno. De nouveaux artistes révélés récemment au grand public prennent la relève et sont parfois considérés comme la seconde génération de la French Touch. On a déjà deux générations de French Touch. Donc ça vient de la French House. Et après, il y a la French Touch 100, dont quelqu'un nous parlera, parce que je pense qu'il l'a sur le truc. Donc je pense qu'il en fera un truc. Je voulais juste commencer comme ça je coupe l'herbe sous le pied. Est-ce que, Laurent, tu peux nous dire... Donc j'ai devant moi ce livre énorme qui s'appelle La French Touch, cinéma d'animation La French Touch. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre maintenant, en 2016, 2017, même si je suppose que c'est un petit peu avant dans le coin de ta tête. En fait, je travaille sur l'animation à Radio France depuis maintenant à peu près 17 ans. C'est toujours été mon petit dada. Et j'ai eu la chance de pouvoir en faire des émissions de radio, ce qui est un pari assez audacieux. Que François Angelier faisait déjà sur France Culture, à vrai dire. En fait, en 2000, je crois que c'était en 2006, que le Grand Palais a décidé de faire une grande exposition Walt Disney. Et je me suis dit, waouh, une exposition Walt Disney au Grand Palais, c'est complètement fou. Et il est temps d'aller voir France Culture pour leur proposer des émissions de radio sur le dessin animé. Voilà, parce que voilà, c'est légitime là, le Grand Palais. Donc je leur avais dit, si vous voulez, je vous fais une histoire du Walt Disney. Alors David Kessler, qui a été le directeur de France Culture, me dit, oui, peut-être pas sur Walt Disney, mais faites-moi une histoire de l'animation dans le monde. Pendant 2 mois, en 20 épisodes de 30 minutes. Et donc, évidemment, j'ai dit banco, ça m'intéressait beaucoup de raconter cette histoire. Il y a des bouquins, mais c'est vrai qu'à la radio, c'est un format, c'est France Culture, c'est un format où on écrit, on raconte, et on pouvait se permettre un peu de mettre des petits bruitages. Dans le même temps, j'avais fait des reportages, que ce soit rencontrer Michel Oslo lorsqu'il était en train de fabriquer ses longs métrages, ou faire des conférences au Forum des Images. Ou de rencontrer par exemple Pierre Buffin lorsqu'il était en train de produire Arthur et les Minimoys. Il y avait tout un contexte autour de l'animation en France qui était en pleine ébullition. Excuse-moi, mais je pense que vous retrouvez sur le site The Web Anime, sur mon site, vous retrouvez l'émission. Laurent était venu à l'époque pour parler de cette émission. Donc si vous voulez vous replonger dans ça, je pense que vous pouvez retrouver l'émission de Bulle de Rêve dans laquelle Laurent était venu ici pour nous parler justement de cette série d'émissions. Et inversement, tu étais venu parce que donc du coup, cette émission s'était développée ensuite sur France Inter pendant 3 étés. C'est une approche qui se voulait très grand public. L'idée, c'était. C'est vraiment une approche qui m'est importante pour moi, à savoir prendre la pop culture au sérieux. C'est-à-dire qu'on passe son temps, quand on regarde des reportages sur la pop culture, à voir des choses un peu promotionnelles à la télévision, c'est toujours c'est magnifique, enfin c'est toujours quasiment du contenu publicitaire. Et j'avais proposé à France Inter de raconter l'envers, les coulisses des de l'animation, de l'histoire de l'animation, mais non pas sur un ton académique comme j'avais pu le faire sur France Culture, enfin académique, bon, ça s'entend, mais non pas sur un ton un petit peu, comment dire, chronologique, mais plutôt en prenant des personnages super connus, genre Bugs Bunny, genre Kirikou, genre les Shadok, et de raconter derrière ce qu'on voit pas. Ben, depuis une heure, on parle de. On en parle avec les Emmy Awards, on connaît les films, on connaît vraiment, et tu me disais toi-même, on connaît pas qui y a derrière, on sait pas qui y a un décorateur, on sait pas qui y a un réalisateur, on sait même pas à quoi ils servent, tous ces gens-là, etc. Enfin, j'exagère. Je m'étais dit, tiens, on va pendant chaque semaine, pendant une heure, raconter comment est né les Shadok, le contexte, les auteurs, la musique. Et donc, moi, je me rappelle, je t'avais fait venir pour parler de Shrek. C'était très rigolo parce que Shrek, on était parti de Shrek pour raconter un petit peu l'histoire de DreamWorks. Ouais, et tu m'avais expliqué en quoi, en fait, Shrek, c'était un peu Friends et comment le directeur, comment il s'appelle, qui s'est fait virer entre temps, mais qui était chez Disney avant, avait inventé une sorte de talk, les dialogues étaient plus importants finalement que l'animation. Et voilà, donc j'avais beaucoup d'interviews que j'avais faites, et au bout d'un moment je me suis dit, mais quand même c'est idiot de pas en faire quelque chose, un livre. C'est vrai que on a vécu au cours des 15 dernières années une ébullition de l'animation en France. Enfin, tu parlais de la French Touch qui s'est d'abord fait connaître pour le terme par le fait que la musique et Daft Punk ont donné une importance, ont créé une sorte de label. Mais c'est vrai que c'est Lionel Jospin en 98, lorsque le studio DreamWorks est créé à Los Angeles, lorsque Christophe Serrant arrive en tant que directeur de l'animation à Los Angeles, et comme il l'a dit dans le bouquin, lui il appelle pas ça la French Touch, il appelle ça la French Connection, et que tout d'un coup il a fait venir 40 personnes, des gobelins et d'animateurs de France, parce qu'ils avaient besoin de gens qui savaient faire de l'animation, et que tout d'un coup Katzenberg s'est dit, mince, alors j'ai des Anglais qui travaillent dans mon studio, j'ai des Américains, mais les petits Français ils sont pas si mauvais que ça, et surtout ils savent tout faire, ce qui était quand même ce qui reste quand même la dominante, je crois, aujourd'hui dans les écoles d'animation, c'est qu'on a apprend aux étudiants dans les écoles à tout faire et pas seulement un métier, une tâche, un particulier. Lionel Jospin, lorsqu'il avait visité les Gobelins, il avait dit, formidable French Touch. Et bon, c'est devenu un marronnier au sens propre, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'animation en France, quand on en parlait dans les journaux, moi je suis journaliste à France Info, le terme, et on a vu pendant des années et des années des reportages sur l'animation en France qui étaient labellisés la French Touch. Et donc, moi j'ai voulu faire un bouquin sur cette histoire de l'animation en France qui a double entrée, c'est-à-dire c'est à la fois chronologique, à la fois mode d'emploi, et avec l'éditeur, avec mon éditrice Isabelle D'Artois qui a aussi porté le bouquin à pleine main, on s'est dit que quand même c'est un livre qui se veut grand public, c'est un livre qui veut faire découvrir justement les coulisses d'animation et l'histoire de l'animation en France au grand public. On va partir de ce terme-là qui me semble emblématique, et que dès la première page, Michel Oslo sape, je ne sais pas si vous avez lu la préface, que j'ai voulu à tout prix évidemment que deux réalisateurs emblématiques préfacent cet ouvrage. Michel Oslo a tout relu d'ailleurs, mais bon, il m'a fait des commentaires, etc. C'était formidable, merci à lui. Et dès la première page, quand même, Michel Oslo en préfacier dit, ce qui est formidable, c'est que la French Touch n'existe pas. Et évidemment, avec l'éditrice, on s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas offrir un bouquin avec ça. Et bon, et c'est formidable, parce que il ouvre la porte à tout. Et c'est ce que dit Sébastien Lönnbach aussi. Il dit dans sa préface, ce qui est formidable avec la French Touch, entre guillemets, c'est qu'elle est dans son adolescence et qu'on est, c'est que le début. Voilà. Donc, le bouquin, il est parti comme ça. Et l'idée, c'était d'en faire un beau livre pour raconter, en fait, pour dire, et en n'oubliant aucun genre, que ce soit les séries, genre Ulysse 31, qui fait partie de la French Touch, Arthur et les Minimoys, donc les films en images de synthèse, toutes les productions Lubesson, mais de les contextualiser en fait dans l'histoire de l'animation. Si on peut critiquer le terme French Touch, c'est quand même mis juste en dessous, c'est qu'en effet, si on regarde, et justement c'est là où le livre est intéressant, c'est qu'on est plus dans une histoire, comme tu l'as dit, complète du cinéma d'animation français. On parle des pionniers, on parle des deux Emmy, hein, qui donnent le nom d'ailleurs aux Emmy Awards, il y a Marius Gallo, il y a évidemment l'incontournable, le mastodonte Grimaud, mais au même moment tu parles des débuts évidemment des adaptations d'Astérix, Tintin, etc., plus la nouvelle vague, en effet, les Shadok. Et après, on en reparlera peut-être avec nos invités. Est-ce que la French Touch ne vient pas plus tard, finalement, s'il y en a une, si on décide qu'il y en a une, elle ne vient pas vers les années 80, peut-être, avec le plan Jack Lang, enfin, avec le plan Image, etc. Et est-ce que ça va? Et en fait, c'est assez drôle parce que, enfin voilà, c'est plus que la French Touch, finalement, le livre. Oui, ça, on a le sous-titre, c'est la French Touch, pour dire qu'on va parler de l'animation en France. Moi, je trouvais que raconter, le titre, prendre un titre genre Histoire de l'animation en France, je trouvais ça pas très... glamour. Pas très glamour, et je trouvais qu'appeler ça cinéma d'animation, la French Touch, c'est, ça expliquait ce que ça voulait dire, ça faisait écho à un terme qui est aujourd'hui dans le, voilà, évoqué partout, et ça n'empêchait pas qu'il fallait raconter, aller aux origines. Ça n'empêche qu'il y a quand même toute une histoire de l'animation en France, que c'est pas rien que la France était terre d'accueil de nombreux artistes étrangers, que ça a commencé comme ça d'ailleurs, que ce soit l'idée de Bertolt Bartók, que ce soit les marionnettes du russe de Starevitch, que la France a été quand même alors certes le plan Jack Lang a démultiplié ça, on est d'accord, à partir de 80, mais depuis le départ il y a un terreau favorable aux artisans de l'animation en France. Alors on va revenir là-dessus, finissons sur le livre. Ce qui est intéressant, en tout cas ce que tu as voulu faire dans le livre, c'est, on a donc des grands chapitres, des pionniers encore une fois, Paul Grimaud, Nouvelle Vague, Émancipation, l'éveil des séries, la révolution Kirikou, Image de synthèse d'une histoire française, le vivier de la bande dessinée et de l'illustration, fabrique de réalisateurs, le laboratoire du court-métrage, aller-retour, une école française à travers le monde, et à chaque fois quasiment, tu as voulu, en fait, donc il y a tes textes avec des présentations d'auteurs, de films, et une interview, en fait, qui remet en contexte, on va dire, ce que c'est que de faire aussi un film d'animation. Voilà, c'était la deuxième partie. C'était le mode d'emploi, j'allais dire. L'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'animer un personnage, tout bêtement. Encore une fois, je voulais une approche grand public, mais qui peuvent intéresser les étudiants d'animation ou les étudiants qui sont au lycée, qui se disent qu'est-ce que c'est que ce métier, ça m'intéresse, mais je sais pas en quoi ça consiste. Donc l'idée, c'était de savoir, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un métier comme character designer. Donc Valérie Adida nous raconte exactement qu'est-ce que ça veut dire que rendre animable un personnage, en parlant à la fois d'adapter un personnage qui existe de bande dessinée comme Tintin, ce qu'elle a fait, ou de créer un personnage de but en blanc comme elle l'a fait pour Igor ou comme elle l'a fait pour Chasseur de Dragons. J'avais envie qu'on raconte, qu'on s'appesantisse aussi sur ce qui est très en vogue aujourd'hui, l'adaptation d'une bande dessinée en dessin animé, parce que quand même, malgré tout, s'il y a une French Touch, c'est aussi parce qu'il y a une histoire de la bande dessinée franco-belge et qu'il y a des personnages à foison et des styles graphiques énormes. Donc évidemment, la meilleure, je trouvais que c'était Marjane Satrapi, qui avec Vincent Paronneau explique bien dans l'interview qu'un storyboard et qu'une bande dessinée, c'est pas pareil, qu'on peut pas adapter 800 pages en storyboard, parce qu'on peut pas prendre en otage un spectateur pendant 4 heures, et que du coup, elle a du tout recréé. J'ai voulu aussi raconter qu'est-ce que c'est que le métier de décorateur de dessins animés, parce que c'est, voilà, on connaît des décorateurs dans le cinéma, mais on sait pas ce que ça veut dire. Zik et Zaza, ils travaillent depuis, voilà, ils sont les plus connus, je pense, des décorateurs en France. Lors de la dernière émission de Bulle de Rêve, 2 heures. Les Mondes Engloutis, c'est eux, Le Chat du Rabbin, c'est eux, Persepolis, c'est eux, Ernest et Célestine, c'est eux. Ils savent s'adapter à chacun des styles graphiques. Ils savent aussi, quand il s'agit d'adapter une bande dessinée, ils nous racontent un petit peu en quoi ça consiste. Mais ils savent aussi créer des univers à eux, comme lorsque c'était Les Mondes Engloutis. Et donc, voilà, le fait qu'ils nous racontent que, un format de décor, moi j'adore ça, un format de décor, ça se limite à une feuille de à format A3, parce que c'est pas plus grand qu'un scanner, parce qu'après ça marche pas. Le fait qu'il faut utiliser une certaine plume très très fine, parce qu'évidemment, on le sait tout ça, hein, intuitivement, mais qu'il faut que quand il y a un gros plan sur un décor, et il faut pas qu'on voit la trace du trait. Voilà, il nous raconte tout ça. Et puis j'avais on parle du stop motion avec Claude Barras, évidemment, qui a réalisé Ma vie de courgette. Et puis j'avais envie de montrer la différence aussi entre qu'est-ce que c'est que l'animation traditionnelle, papier crayon, j'appelle ça, et l'animation 3D. Et donc Pierre Coffin, qui est le réalisateur, co-réalisateur de Moi moche et méchant, et qui a quand même une façon incroyable d'animer des personnages, même s'il est réalisateur, mais moi je l'ai reçu il y a 15 jours à France Musique, et il m'a dit un truc que j'ai adoré, parce que j'ai reçu à France Musique dans une émission que je fais sur la comédie musicale, et il se trouve que les mignons, dès qu'il y a un film, ils se mettent à chanter. Et il compare, et lui, alors c'est un fanatique de comédie musicale, Chanteau sous la pluie, Chichi Bang Bang, Cabaret, c'est des trucs qu'il connaît par cœur. Et il me disait, finalement, mon travail, quand j'anime un mignon, c'est comme le travail d'un chorégraphe. Et je trouvais ça vraiment intéressant. parce que je trouve qu'effectivement la façon dont on fait bouger, bah, mademoiselle travaille le mouvement actuellement en face de moi qui est en train de faire une thèse sur le mouvement. Je trouvais ça intéressant qu'il dise ça. Voilà, il raconte comment on utilise avec la souris, comment on utilise Maya avec une souris, voilà, pour animer le personnage. Et de la même façon, Benjamin Renner qui revient un petit peu plus au béaba des recettes des 9 old man de chez Disney. Qu'est-ce que c'est que le métier, le squash, le stretch, etc. Voilà, rentrer un peu dans la technique. Donc effectivement, j'avais envie de séquencer l'histoire par des modes d'emploi. Donc voilà, donc un livre qui se veut justement pour beaucoup de gens, on va dire, avec notamment beaucoup d'illustrations. Tu l'as lu, toi, Nicolas ? Oui. Tu m'as dit que tu l'avais lu. Oui, j'ai lu. Bah, de toute façon, je pense que tout le monde ici, plus ou moins, l'a lu. Mais oui, non, Francis, c'est vrai que... Pas encore. Bon. Non, le livre, je trouve vraiment magnifiquement illustré. Ça, c'est vraiment l'un des gros points forts du livre, je trouve, et notamment parce que tu t'es pas limité à juste des photogrammes de films, mais il y a aussi notamment des documents liés à la préparation des films, au tournage, etc. Et ça, c'était vraiment, vraiment pas mal. Alors, moi, le seul petit regret que je pourrais avoir, et justement, on pourrait discuter par rapport à ça autour de la French Touch, c'est que la place du court-métrage est quand même très faible dans le livre. Et d'une certaine manière, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a vraiment une French Touch qui pourrait être adaptée au court-métrage ? Alors, pour la première question, en fait, c'était un choix, d'ailleurs, de pas avoir de photogrammes et d'avoir le plus de documents de travail. On a la chance, au fil des émissions que j'ai faites, j'ai pu avoir pas mal de contacts avec beaucoup. Bah, le monde de l'animation est petit quand même, faut bien dire. On avait quand même beaucoup d'amis voilà. L'idée, c'était effectivement de pas montrer des images qu'on voit partout et pareil de pas montrer d'affiches. On a mis aucune affiche parce que c'est toujours la même chose quand tu ouvres des bouquins, c'est toujours les affiches. Et je trouvais que ça n'apportait pas visuellement des choses forcément en plus, et pas de portrait de réalisateur. C'est aussi c'est le livre sur les réalisateurs. Je parle moins des producteurs et surtout des réalisateurs, mais je pars du principe que les personnages apportent plus de magie, pardon à tous les réalisateurs qui nous écoutent, que le portrait d'un réalisateur. Alors après, le court-métrage, c'était compliqué et c'était facile, mais effectivement, au départ, je voulais surtout parler des longs métrages parce que je trouvais que c'est ce qu'il y avait de plus. C'était la meilleure accroche pour parler au grand public. Ce qui n'empêche que j'ai d'abord dans tout ce qui est historique, à savoir les débuts et donc tous les. Bon, bah, c'est pas compliqué. En France, avant 1981, il y a eu 30 longs métrages qui ont été faits. Tout le reste des courts métrages. Donc clairement, j'ai parlé des courts métrages qui ont été faits, que ce soit voilà les courts métrages d'avant-guerre, après-guerre, pendant la guerre, etc. Après 1980, j'ai trouvé que ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment les courts-métrages aujourd'hui étaient le vivier. Alors j'ai dû faire un choix drastique, évidemment, en m'arrêtant sur ce qui, moi, me touchait le plus, tout bêtement. Donc c'est pas pour rien que j'ai consacré toute une page, ou une double page d'ailleurs, à Jérémy Clapin, parce que j'adore son schizène, parce que j'adore son univers, parce que je trouve que c'est des histoires un peu fantastiques. J'ai essayé en fait de, entre guillemets, classé en 3 parties, c'est la partie que j'appelle le vivier des courts-métrages. Quand même, je consacre tout un chapitre au court-métrage. Hein. Et en essayant de les classer en 3 parties, mais c'est vrai que je me suis focalisé sur les courts-métragistes qui font du long-métrage. Donc, première partie, c'était ce que j'ai appelé un peu les courts-métragistes documentaires ou autobiographiques, dans lequel je classe évidemment Sébastien Lodenbach, et dont je parle parce qu'effectivement, il a réalisé ensuite La jeune fille sans main. Bon, Florence Millal, dans un style complètement différent, peinture animée, parce qu'elle réalise actuellement un long-métrage. Deuxième partie, c'est vrai que j'ai trouvé que dans les courts-métrages, il y avait toute une veine fantastique, clairement. Donc c'est là que je classe Jérémy Clapin, c'est là que je Qui réalise aussi un long métrage d'ailleurs. Oui, mais c'est pour ça que j'en parlais. Non, mais le choix il s'est fait un peu comme ça, je dois dire. Ou Franck Dion, voilà, moi j'ai adoré. Qui ne réalise pas de long métrage pour l'instant. Voilà. Non, mais après. Juste après, comme ça pour. Non, tout à fait. Je suis touché par ou Jérôme Boulbès, dont je suis touché par qui réalise pas de court métrage, de long métrage non plus. Hein. Non, mais après j'ai des critères après qui ma propre grille que je revendique. Et puis une troisième partie aussi qui était plus tout ce qui est hybridation, voilà, parce que j'avais envie que dans ce livre on parle du fait qu'aujourd'hui quand on regarde un court métrage, quand on regarde un film, c'est un peu tarte à la crème dans cette émission de le dire, mais c'est vrai que moi aujourd'hui quand je vois un film, je sais plus comment il est fait, vraiment, pour moi c'est je suis paumé. Et le fait que Adama, que j'ai adoré, qui n'a pas connu un énorme succès public, mais qui est un film qui m'a beaucoup touché, je considère que ce personnage comme le héros de Adama est un peu le petit frère de Kirikou, ou le grand frère de Kirikou. Je voulais partir de longs métrages un peu connus pour parler un peu des courts métrages. Mais j'ai dû me limiter à un chapitre, effectivement, et j'ai dû faire des choix, ça c'est vrai. Ouais, Je pense que quand même, dans ce chapitre-là, une French Touch qui apparaît quand même, il me semble. Mais évidemment, là on a quelqu'un, Nicolas, qui combat et qui, à juste titre, moi-même je râle sur les Emmy Awards en disant qu'il n'y a pas vraiment de nomination. Donc, en effet, à savoir, et on revient à cette phrase évidemment de Jean-François Laguigny disant moi je fais du long métrage parce que j'en ai marre de travailler tout seul et c'est pas possible. Mais le vrai art de l'animation, et en tout cas jusqu'à présent, il disait, et dans le court métrage, en tout cas, on s'exprime d'une certaine manière dans le court métrage qui est assez exceptionnel, même si moi je pense que maintenant le long métrage, justement, on en a parlé, commence à s'exprimer différemment et va enfin avoir un vrai langage différent, on va dire, en tout cas un nouveau langage. Et la question quand même que je peux me poser malgré tout après la lecture, c'est où est la French Touch au niveau du court-métrage ? Comment définir la French Touch par rapport au court-métrage ? Vous savez quoi ? On va faire une pause musicale et on va revenir après pour se battre dans les trois quarts d'heure qui nous restent. Est-ce que la French Touch, c'est pas aussi ça ? Et en effet, Laurent l'a dit, est-ce que c'est pas tout simplement d'amener des gens de l'étranger, puisqu'on a la chance d'avoir un système de production absolument extraordinaire, et est-ce que c'est pas aussi ça, la French Touch ? Ce que vous allez écouter, c'est un monsieur qui est produit actuellement par une société de production qui marche plutôt pas trop mal, c'est pas trop mal pour eux, qui s'appelle Papy 3D, donc Franck Duhon, Sarah Vandenboom, Jérémy Clapin, rien que ça, ont décidé de produire d'autres personnes, et là, merci à eux, ils produisent de nouveaux films d'un, sûrement l'un des grands, très grands réalisateurs d'animation à l'heure actuelle, qui s'appelle Jonathan Hodgson. Jonathan Hodgson, c'est le réalisateur de The Man with the Beautiful Eyes, Sublime, Feeling My Way, Nightclub, Dogs, enfin, voilà, un vrai, vrai personnage étonnant, et ce soir, si vous êtes à Londres, il est en concert, puisque non seulement il fait du cinéma, mais il fait de la musique, et il fait de la musique comme il fait du cinéma. C'est un vrai... Voilà, il a un côté rock'n'roll, il a un côté assez étonnant. Là, vous allez voir, c'est la période, la partie un peu moins rock'n'roll. Ils ont fait une chanson, donc le groupe s'appelle Cult Figures. Ils ont commencé dans les années 80-90, ils ont eu des petits succès. Puis là, ils reviennent un tout petit peu, et là, ça s'appelle Just Another Christmas. On écoute, et on revient juste après. It's Christmas time again. Feels like a qu'on est à l'antenne. Donc, est-ce que vous avez entendu les 12 voix d'Anaïs, cette Française, en train de chuchoter quelque chose? Je pense que moi, je ne l'ai pas entendu, mais vous, heureux auditeurs, vous avez entendu ce qu'ils ont dit en direct. Est-ce que ça va les griller à tout jamais dans le monde de l'animation? On ne sait pas. Ce son étant dit, moi non plus, je n'attendais pas cette fin aussi rapidement. Cult Figures, le groupe de Jonathan Hodgson. French Touch, la deuxième partie, plus le débat. On en était, en effet, si une French Touch existe en cours, on commence par le cours, on n'a pas encore été Francis. Francis Gavel, il y a quelques années, au micro d'Alexis Huneau, c'est-à-dire moi-même, là on est en pleine auto-congratulation, ce qui est complètement fou, j'ai interviewé Francis, et Francis devant la Cinémathèque, il avait voulu être interviewé devant la Cinémathèque, en plus d'une superbe, je me rappelle, cette trinité, la fameuse trinité du cinéma d'animation, Paul Grimaud en Dieu le Père. Dieu le Père, c'était Paul Grimaud. Ouais. Le fils, c'était... Michel Slot. Non, c'était Jean-François Léguenou. Non. Le Père, Paul Grimaud. Le fils, c'est logique, Jean-François Léguenou. Et c'est normal, le Saint-Esprit, Michel Slot. Voilà. Et donc, monsieur Gavel me disait, à propos de la French Touch, mais est-ce que si French Touch il y a, ce n'est pas les producteurs qui sont à la base de cette French Touch? Producteur absent du livre. Ah oui, tout à fait. De French Touch. Est-ce que, alors, c'est quoi le débat? Est-ce que, tiens, on a parlé des deux, Nicolas, toi, est-ce que les producteurs, est-ce que Sacrebleu autour du milieu, les films d'une heure, Papy 3D, etc., ça c'est eux qui amènent la French Touch? D'une certaine manière, en tout cas, peut-être pas forcément depuis le début des années 2000 ou la fin des années 90, si on part du principe que, on va dire, que la French Touch est qu'il y a un renouveau du cinéma d'animation après Kirikou et à partir de Kirikou, donc voilà. Mais disons qu'aujourd'hui, clairement, de la même manière que on peut avoir l'impression que le long métrage d'animation aujourd'hui est plus européen que français quand même, puisqu'il y a énormément de longs métrages qui sont coproduits avec d'autres pays européens. Donc il y a une French Touch, il y a peut-être une European Touch, plus que d'une French Touch aujourd'hui, mais encore ça peut être discuté. Mais pour le court métrage, par exemple, j'avais fait la remarque aussi à Francis il n'y a pas longtemps, mais le dernier prix André Martin, par exemple, qui récompense normalement le prix du meilleur court-métrage français, le film et la mention qui ont gagné cette année, c'est un film réalisé par deux Danois qui a gagné, donc Michel et Uri Kranot, et un film réalisé par un Américain et une Japonaise, ou l'inverse, pour la mention finalement. Negative Space. Voilà, Negative Space. Et finalement, on a quand même quatre réalisateurs qui ont eu un prix. Il n'y en a pas un seul qui est français. Par contre, les deux sociétés de production sont entièrement françaises. Et en plus, sont quelque part, même si Miyu maintenant commence à avoir quelques années, Ikifilm, et en fait, c'est deux maisons de production, deux sociétés de production assez récentes malgré tout. Et en plus, Miyu continue avec l'international tout en restant français, puisqu'au niveau des deux prochains courts-métrages, il y a le court-métrage de la japonaise qui avait remporté un prix à... Bien sûr, Sawaki Kabuko. Kabuki Sawako. Voilà. Et le nouveau long court-métrage de Tal Kantor aussi, qui est israélienne. Et il produit aussi, normalement, il produit Paul Driessen. Aussi. Qui vit en France, mais qui est quand même... Donc finalement, on a quand même des courts-métrages produits, des productions françaises qui sont avec des réalisateurs étrangers. Mm-hmm. Et puis un film qui fait aussi, qui avait gagné un prix à Annecy, etc., c'est le film de, je suis désolé pour la prononciation de son nom, Villainfield de Ace Kartal, d'accord, qui est aussi une production française et qui est pourtant un réalisateur turc. Donc finalement, on est quand même dans quelque chose qui est assez... Ça fait partie, moi je suis pas le promoteur, je suis pas le vendeur du CNC, mais ça fait partie quand même de cette tradition que j'évoquais dans les années 30, à savoir que il y a pas mal d'artistes qui viennent en France effectivement réaliser des films, parce qu'il y a tout un contexte financier, il y a toute une économie qui fait que c'est possible. Mais justement, on a plutôt l'impression là, donc, comme disait Francis lors de l'interview avec Alexis, que c'est quelque chose qui est peut-être presque plus lié au producteur qu'au réalisateur à ce niveau-là, par rapport au moins au court-métrage. Et donc, Francis, pour rebondir sur ça, est-ce qu'on peut réellement parler, donc, dans ce cas-là, non pas d'une French Touch esthétique, mais d'une French Touch qui amène quoi? La diversité, qui amène... ça serait quoi? Restons dans cette idée, imaginons qu'il y ait une French Touch, et après on peut l'invalider sans aucun problème, mais imaginons qu'il y a ça, ce serait quoi? Est-ce que tu restes d'abord dans cette idée, 5-6 ans après cette interview, est-ce que tu redirais si French Touch existe, c'est des producteurs, ou est-ce que tu changerais d'avis aujourd'hui d'ailleurs, peut-être? Non, je change jamais d'avis. Et je ne sais pas. Non, mais je dirais... Enfin, je pense que je dirais à peu près la même chose. Tu parlais des valseurs avec, effectivement, Vilaine Fille et le film qu'ils vont faire derrière. Là, prochainement, donc c'est un film d'une réalisatrice brésilienne qui s'appelle Nara Normande. Et ils sont copro sur le film, quoi. Et voilà, et elle va venir le finaliser en France, quoi. Non, je pense que je dirais à peu près la même chose, mais alors dans ce cas-là, effectivement, ça rebondit sur ce que disait Laurent. Heureusement, il y a encore un côté France terre d'accueil, si ce n'est pas le cas partout, et que donc, heureusement, sur le plan artistique, ça reste encore un petit peu présent. Et qu'il y a toujours eu cette tradition, et que donc ça, effectivement les producteurs, alors à l'époque on va dire début des années 2000, avec l'impulsion du collectif de producteurs, donc effectivement les gens que t'as nommés, quoi, que ce soit Arnaud Demuynck, Nicolas Schmerkin, Ron Dienz, enfin, et ou les gens de chez Caïman ou de chez Dark Prince, c'est effectivement d'accueillir aussi des gens qui viennent de l'étranger. Et moi, l'anecdote, alors effectivement, là, ça va faire... il raconte encore ses souvenirs de 1812. Mais l'anecdote, oui, c'est cette année-là où il y a un cristal pour le tram de Mikhaïla Pavlatova. Donc, c'était pas en 1812, mais en 2012. Et ben effectivement, le juré qui est sur la scène pour remettre le prix, qui est un Irlandais, je sais plus son nom, je m'en excuse, dit, bon, ben voilà, alors le cristal, en fait, c'est un film, mais tellement français, nous on saurait pas faire ça, c'est un film grivois, enfin, c'est vraiment la France dans toute sa splendeur, son élégance, sa truculence, et donc cette trame de Mikhaïla Pavlatova, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas une réalisatrice française, mais est produite là, à ce moment-là, par Sacre Bleu. Alors je sais pas ce que... Si d'un seul coup il y a une impulsion, moi je pense pas, c'est peut-être son film le plus entre guillemets divertissant, entertainment par rapport à sa filmo, et peut-être que chacun à leur niveau, des auteurs étrangers quand ils viennent en France pour un film parfois, vont être peut-être dans une logique comme ça, plus vont se laisser aller à un souci du divertissement, d'une légèreté qui serait peut-être le côté French Touch, mais là sur le côté esthétique, plus que sur le côté... Si, je sais que tu dodelines, mais si, tu as dodeliné. Nicolas, Francis, là, invective, Nicolas, je vous le dis en direct, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, mais voilà, mais c'est vrai que Nicolas dodeline. La légèreté, elle est là, mais pas forcément partout, par exemple pour Nicolas Schmerkin, autour de minuit, avec Rosto ou avec Alberto Vasquez, on n'est pas dans une... Ou les Cranottes chez Miu. Voilà. Oui, alors excuse-moi, parce qu'on peut dire qu'il y a une légèreté, mais trash. Chez Rosto? Bah chez Rosto, comme chez Alberto Vaquez. Pas chez les Cranottes. Non, parce qu'il n'y en a jamais eu, c'est vrai. Mais en même temps, parce que Miu, c'est une boîte qui, s'il faisait de la French Touch musicale, il a quand même... Emmanuel Alain Reynal a aussi un passé en musique, il ferait pour moi de l'intelligence dance music, donc un truc un peu dark, sombre. En France, quand même, ces deux stars, c'est Manac et Bienvenue. Donc, ils sont comme ça, dans une mouvance assez sombre, assez déprimante, et ben voilà, il ferait ça, quoi, en musique. Donc non, moi je reste convaincu, non, parce que ça peut s'affiner, mais qu'il y a peut-être plus une impulsion de producteur et une impulsion d'un système de production. Donc c'est ça. Donc si French Touch il y a, c'est le CNC, les régions, et c'est parce qu'en France on est très bien produit et que... Encore une fois, si French Touch, c'est aussi peut-être grâce à ça. Mais c'est, oui, bah bien sûr. Bien sûr, on a un système d'aide absolument hallucinant. Mais c'est rien. Là, c'est pas que dans le cinéma d'animation. La France produit 130 films par an. On est parce qu'il y a un soutien financier incroyable. Il y a une taxe sur n'importe quelle place sur le biais de donc la French Touch est une notion économique. Ah bah oui, mais le bouquin se termine par ça. C'est le contexte financier. Le contexte qui explique tout ça, bah oui, c'est restons clairs, pas les entrées en salle qui font le succès financier des boîtes de production de cinéma d'animation français. Quand tu compares, non mais parce que il y a aussi un autre marronnier dans les médias qui est, oh là, quel énorme succès que ce film Ma vie de courgette à l'international. Bah pardon, aux États-Unis c'est sorti sur 3 copies. Moi j'étais à Los Angeles cet été, il y avait une sortie technique de Munes, c'était projeté un jour au Chinese Theater point. Donc, évidemment, économiquement, ces boîtes et ces films fonctionnent, surtout parce qu'il y a un soutien financier, mais c'est ce qui permet de soutenir tous les auteurs et toutes les boîtes de production. C'est ça que je veux dire. Donc, l'économie amène la diversité. C'est-à-dire que grâce à cette économie, et plus on a autre une chose, c'est Didier Brunner qui le disait, et je trouvais ça plutôt intéressant, parce que quand je lui disais, mais vous, la French Touch, c'est quoi? Il me disait, mais c'est les films d'auteur. Mais c'est vrai, en France, il y a le Final Touch, le Final Cut en France, c'est pas comme aux États-Unis, le Final Cut, c'est les auteurs. Mais est-ce que dans et les auteurs, ils font ce qu'ils veulent avec leurs films. Alors évidemment, il y a un échange avec la producteur, et quand Didier Brunner parle de ça, il est un bon producteur, et il sait parler avec ses réalisateurs. Mais il y a un vrai échange, mais c'est pas comme aux États-Unis, où tu peux virer 36 fois ton scénariste, et puis changer. La French Touch, c'est aussi le fait que les auteurs peuvent aller au bout de leur projet. Oui, mais je reviens sur ce que disait dans ce cas-là Nicolas. Dans ce cas-là, ça, c'est aussi la European Touch. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas qu'en France où les auteurs ont cette chance-là. Ouais, mais bon, le système finit jusqu'au bout. Non. Oui, donc, mais encore une fois, c'est pour vraiment voir les différents. Hein, c'est t'as pas raison. Du tout. Oui, oui. Mais c'est juste voir ça. Ça, surtout pour aujourd'hui et le long métrage. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était peut-être pas encore autant le cas qu'aujourd'hui par rapport aux productions européennes. Mais en court métrage, européennes sont quand même très diverses, et on a des auteurs très très forts qui viennent de chacun de ces pays. Mais par contre, comme tu disais, par rapport à Jonathan Houghton par exemple, quand il était en Angleterre, il avait beaucoup plus de mal à faire des films, tandis qu'en France, c'est d'un coup un peu plus facile. Rappelle-toi de Michael du Doc de Witt, enfin je veux dire, il faisait des dessins, des publicités en Angleterre, et tout d'un coup, Folimage ouvre sa résidence, et il fait Le Moine et le Poisson, et ça y est, c'est parti. C'est ça, ouais, donc c'est... bon, voilà, c'est France terre d'accueil au sens propre du terme. Francis, est-ce que tu voulais réagir? Non, parce que je trouve ça, quand on encore une fois, c'est pas pour jouer sur les mots, mais c'est d'un seul coup cette vision donc d'une France, en effet, enfin comme tu disais tout à l'heure, malheureusement pas à tous les points de vue, mais en tout cas là en art et en tout cas là en cinéma encore, vraiment terre d'accueil pour énormément de réalisateurs. Oui complètement. Alors après, effectivement, on peut s'interroger, est-ce qu'il y a aussi un style ou pas. Et c'est pour ça, en fait, quand je faisais le rapprochement là que tu as lu tout à l'heure avec ce bouquin, donc qui est absolument passionnant, mais dedans, il est question de la French Touch image aussi. Donc le bouquin s'appelle French Touch 100 de Daft Punk à Rhône, d'Olivier Pernaud, chez un super éditeur, entre autres, de musique qui est Le Mot et le Reste. Et donc c'est d'hier à aujourd'hui une sélection de 100 albums et une longue intro qui est plutôt pas mal. Il y a aussi un passage sur l'image, et on se rend compte que sur la French Touch musicale, elle est aussi accompagnée donc avec des clips par un certain nombre d'auteurs, et des auteurs très divers et variés, qui vont évidemment de Michel Gondry au collectif H5. Alors H5, pour rappeler, c'est effectivement eux après Logorama. Logorama, voilà. Oui. Donc il y a ça, et il y a une petite question qui est, y a-t-il un son French Touch à un moment? Et il dit donc, il y a une première période, celle que tu as nommée, qui s'inspire donc de la house de Chicago, de la techno de Détroit, c'est un peu Laurent Garnier et Saint-Germain. Et puis il y a une deuxième période qui dure donc du milieu des années 90 au début des années 2000, et qui voit les Français proposer une musique principalement house, conçue avec des samples, comme tu disais tout à l'heure, puisée dans les répertoires du funk, du disco ou du jazz, et puis aussi l'utilisation donc de fils de compression, et on est sur cette espèce de truc un peu charnu, vitaminé, un peu euphorique, et cette période euphorique est baptisée French Touch car elle correspond à une reconnaissance internationale de ces artistes, et c'est peut-être ça aussi. Donc là-dedans, on voit que à la fois il y a la renommée internationale et il y a une espèce de texture qui serait spécifique à la French Touch musicale. Donc est-ce qu'il y a comme ça une espèce de structure de texture spécifique? Mais oui, quand même. Enfin, je veux dire, est-ce que, mais oui, pour rebondir là-dessus, est-ce que les triplettes de Belleville, nommées aux Oscars, d'un seul coup, le cinéma français n'est plus qu'un cinéma français technique, on va chercher ses techniciens, mais que d'un seul coup, il y a, exactement comme en musique, une renommée internationale qui retombe, et on sait à quel point les triplettes de Belleville est énormément appréciée, les Simpsons dans les écoles, les Catch Gags, Sylvain Chomet, et on sait bien à quel point les réalisateurs, d'ailleurs, sont hallucinés de savoir qu'on ait pu faire les triplettes de Belleville en France, quasiment impossible. Je pense qu'ils ont tort, mais quasiment impossible à faire aux États-Unis. Mais oui, c'est exactement ça. Les longs métrages d'animation qui sont fabriqués en France n'ont vraiment rien à voir avec les cartoons américains, ni avec les mangas, je résume, les mangas japonais. Il y a une French Touch là-dedans. Rien que le fait que... Rappelez-vous l'histoire de Kirikou, quand même. Kirikou, qui est un style d'animation naturaliste total, qui est... à un moment, je crois que le producteur France 3 avait dit à Michel Oslo, non, mais il faut faire un storyboard beaucoup plus cartoon, ça, c'est pas assez péchu. Et Michel Oslo a dit, non, certainement certainement pas. Moi, je veux ce style comme ça, très simple, presque, de l'animation. Bah, ça, si c'est pas la French Touch. Alors, moi, pour moi, c'est une première brique. Après, il y aura les triplettes de Belleville, qui sont on va dire quoi, du Dubout, Albert Dubout animé, finalement. Ça puise dans Jacques Tati, ça puise dans Albert Dubout, donc ça puise dans du cinéma des années 50, ça puise dans les illustrations des années 30, Chaumet, avec son génie, en fait quelque chose du Charlot de l'an 2000, que personne, voilà, que tout le monde regarde avec des grands yeux, en se disant, mais c'est incroyable. Ben oui, ça aussi, ça fait partie de la French Touch, mais ça va pareil avec Peur du Noir. Moi, quand je vois Peur du Noir, est-ce que Peur du Noir est vraiment la French Touch? C'est ça, parce que moi j'ai envie de dire Nina Paley, Sita Sings the Blues, Chris Sullivan et Consuming Spirits, il y a des choses incroyables aux États-Unis. Mais on est d'accord. Non, mais donc ça veut dire que est-ce qu'en effet ce que pointe Francis, c'est-à-dire l'idée du succès et l'idée d'une reconnaissance internationale, amène cette idée que même nous on a envie d'appeler ça la French Touch? Ah ben ça y est, on commence à reconnaître, ou on reconnaît une certaine qualité, quelle qu'elle soit, à la française. Nicolas ? Moi, j'ai quand même un peu l'impression qu'on est toujours dans l'idée, même si elle reste valable, que s'il y a une French Touch, c'est par rapport à la diversité des styles. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, qu'il n'y a pas de style, entre guillemets, formaté, reconnaissable à l'œil nu par rapport à tel type de production. À ce moment-là, évidemment, ça peut toujours être critiquable aujourd'hui, notamment avec l'arrivée des Mignons, qui ressemblerait à n'importe quelle production hollywoodienne. Mais... Non, c'est hollywoodien, de toute façon. C'est ça, mais bon, disons qu'on aurait du mal, j'aurais du mal à classer ça dans la French Touch, par exemple, mais par exemple, entre Michel Oslo, Sylvain Chaumet, voire même, Sébastien Lodenbach, ou alors Alain Huguetto pour Jasmine, etc., on a quand même une diversité de styles qui est énorme, et donc qui là peut être caractéristique dans la position d'auteur. C'est la patte graphique. Ouais. Mais Didier Brunner, quand il parle d'un film, il dit, je le cite parce que quand même, c'est quand même le producteur qui a le mieux réussi, quand il parle d'un film, il dit, les Américains nous envient parce que chacun de nos films est un prototype. Mais justement, et ils n'ont pas du tout les moyens de faire ça aux États-Unis, parce que eux, il faut que ça marche, sinon, quand DreamWorks fait deux échecs de suite, ils virent 100 personnes quand même. Et nous, on n'a pas cette problématique. Là. Justement aussi, pour continuer un petit peu par rapport à ça, donc moi je suis tout à fait d'accord, mais par rapport à ce que disait Alexis aussi, je suis pas sûr que par exemple quelqu'un comme Chris Sullivan ait une structure de production derrière lui pour le soutenir, tandis que nous, et l'avantage avec la France, c'est qu'on revient toujours à la même idée, c'est qu'il y a des structures de production, il y a Didier Brunner, il y a un terreau. Et c'est là-dessus que viennent les réalisateurs, on est d'accord, mais on est d'accord. Donc la French Touch, si elle existe, elle n'est pas artistique. Elle devient artistique, mais c'est-à-dire que on pourrait avoir, je suis désolé, en Angleterre dans les années 80, Joanna Quinn, Jonathan Hodgson, Barry Purvis, les frères Coeur, etc. Là, moi, je reparlais du long métrage. Et puis en long, aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile. Mais ce qu'on voit, en effet, qui est plutôt une European Touch, on a des choses qui n'ont rien à voir. Je veux dire, en Europe, c'est quand même assez hallucinant. Je veux dire, tu parlais d'une Reine des Neiges russe qui fait pâle figure devant l'horreur qui est déjà Frozen. Donc on est mal barré. Enfin, c'est vraiment tout ça. C'est une catastrophe totale. Donc on a ce genre de grosses choses. À côté de ça, on va avoir des petites choses indépendantes. Jan Schwankmeyer va nous faire don d'un nouveau long métrage. Enfin, il va y avoir plein de choses et qu'on a une vraie diversité. Sauf c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et même Yann Zankmeyer doit passer par du crowdfunding. Alors que c'est vrai qu'en France, quand même, ce qui est assez intéressant, et justement c'est pour ça qu'on vient, c'est-à-dire que s'il y a une French Touch qui est la French Touch, comme disait Didier Brunner, tu le rappelais, l'auteur, le film d'auteur, finalement, elle passe aussi quand même derrière par de vraies structures de production qui permettent justement aux auteurs de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. Et donc on a une diversité de styles qui représenterait la French Touch, mais donc d'une certaine manière, il n'y a pas une French Touch esthétique dans le sens où, par exemple, au Japon, s'il y a une Japan Touch, on la reconnaît avec le manga et on reconnaît un film japonais au premier coup d'œil. En France, c'est pas exactement la même chose. En France, s'il y a une French Touch, ça serait plus par rapport justement aux sociétés de production derrière qui vont réussir à soutenir des artistes et à avoir des vrais films d'animation professionnels. Laurent, et puis après Francis voulait... On peut dire aussi quand même qu'on a plein d'étudiants qui sont vraiment au creuset de l'animation américaine et de l'animation japonaise. C'est-à-dire, la French Touch, c'est aussi au milieu arriver à joindre les deux bouts. Moi, quand je vois des films comme Le Jour des Corneilles ou quand je vois des séries comme Last Man, bah aussi quand même, c'est des gens qui ont été biberonnés à un certain style d'animation et pour moi, ça fait partie de la French Touch. C'est des films un petit peu audacieux, c'est des séries un peu audacieux et qui ont quand même un voilà, c'est pas du cartoon complètement et c'est pas non plus du manga complètement. Et Alors, vraiment, pas. Non, ce qu'on va juste être Nicolas, vas-y. Non, moi, la seule chose que je disais, c'est que justement, c'est ça ce qui est assez intéressant aussi, c'est de revenir peut-être un peu en arrière, comme tu dis, la semaine des gens qui ont été biberonnés, justement, aux séries, etc. Moi, je me demande s'il n'y avait pas, justement, du côté des séries, par contre, quelque chose qui serait de l'ordre d'une French touch, mais du French Japan touch, là, dans les années 80, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont quand même été biberonnés à certaines séries qui ont été multi-rediffusées par la suite, comme Les Mystérieuses Cités d'Or, comme, ça moins diffusé, mais Les Mondes Engloutis, etc. Mais il y a eu énormément de séries franco-japonaises dans les années 80, justement, qui représentent une espèce, parfois, on a l'impression d'âge, presque d'âge d'or, un petit peu, de la série française. C'est-à-dire que les gens, ils font toujours référence. Et quand, là, il y a un article, d'ailleurs, sur la série de Folle Image, La Quatrième Planète, qui arrive bientôt. Quand on voit les premiers visuels de La Quatrième Planète qui avaient été présentés au Cartoon Forum il y a 3 ans, je crois, on a l'impression de revoir un peu Les Mondes Engloutis. On a quand même l'impression d'une succession. Donc, on est bien d'accord qu'il y a un fond culturel. C'est ça que je veux dire, quand même. C'est pas, sauf que les producteurs. Mais il y a ce fond sur lequel... Par rapport aux séries, clairement. Mais les séries, mais même le fait qu'on adapte en dessin animé des bandes dessinées et que des fois c'est très réussi, parce que quand même Persepolis est une vraie réussite, il y a un terreau culturel. Sauf qu'il est complexé, parce qu'en effet, on parle pas et t'en parles de Guy les Cafards ou des séries qu'on marchait comme ça, qui sont aussi très... qui regardent énormément sur les États-Unis, évidemment, le cartoon, etc. Donc en effet, il y a cette diversité culturelle. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas cette diversité culturelle en Angleterre ou en Suisse ou en Belgique ou dans les autres pays européens. C'est-à-dire que j'ai du mal à croire qu'en France, on soit le seul pays au monde qui a toutes ces influences. Et il me semble qu'en termes de production, il y a plus de production. Mais Parce qu'il y a plus d'auteurs. Parce que c'est pour ça que les auteurs viennent nous voir. Oui, mais tu dis que je ne sais pas s'il n'y en a pas autant, mais il se trouve en termes de production, le chiffre n'est pas tant. Sauf qu'ils viennent ici. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais, et pourtant, ils sont dans leur pays, ils ont cette culture déjà dans leur pays. Alors qu'en série, peut-être. Mais finalement, c'est ça. Et par contre, j'ai quand même l'impression, au niveau du court-métrage au moins, en tout cas, que clairement la French Touch, même au niveau du long d'une certaine manière, elle se définit par une diversité considérable de styles, en fait, aussi. Et c'est ça qui est... On ne peut pas vraiment distinguer une French Touch d'un point de vue ultra stylistique, c'est-à-dire où il y aurait un ou deux styles uniques qui se répéteraient. Ouais, et est-ce que... Francis, tu voulais dire quelque chose? Je te donne la parole et après je rebondirai sur autre chose. D'accord, bah non, moi je vais continuer le parallèle parce qu'il y a un chapitre dans cette longue préface vraiment passionnante sur ce bouquin sur la French Touch côté musique, c'est d'où vient ce mot French Touch? On va passer sur la partie qu'il revendique en premier, à la fin des années 80, Fnac Music Dance Division, à l'époque où la Fnac faisait des trucs, reprend ce nom dans sa communication sur ses affiches et sur des blousons avec ce fameux slogan We give a French touch to house. Nous apportons une touche française à la house music. Dès lors, la touche française passe de ringard à branché. Être français n'est plus un handicap, mais un passeport. Les Français n'hésitent plus à afficher leur nationalité, que ce soit dans les titres de leurs morceaux, La Mouche pour Cassius, Le Patron est devenu fou pour Étienne de Crécy, ou dans leurs albums, Champs-Élysées pour Bob Sinclair, Sacre bleu pour Dimitri von Paris. Ce dernier s'est d'ailleurs transformé en Dimitri von Paris, pseudonyme qui véhicule le chic parisien et affiche la Tour Eiffel sur la pochette de son premier album. Moi, je continue avec ça, parce que s'il y a un côté esthétique, alors est-ce que ça va être là justement sur la partie animation, est-ce que c'est une élégance, je sais pas, dans l'animation, dans le mouvement des personnages, dans la manière de porter un récit sur une veine qui peut-être à l'époque est moins mise en œuvre de manière comme ça, comme elle peut l'être aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, t'en parlais Laurent avec le fait d'avoir consacré un chapitre à Sébastien Lodenbach, la veine de l'intime. Est-ce que finalement il n'y a pas cette veine de l'intime que les autres, dans les autres pays, n'abordent peut-être pas sur ce côté que je dirais presque une transposition de la nouvelle vague dans l'intime en animation, et que voilà, on a des gens d'un seul coup qui vont oser l'intime. Et là je prends évidemment Sébastien Lodenbach, ça peut être... Il allait parler de Flora Non, pas du tout. D'un seul coup, je pensais donc à Arnaud Demain, qui je pensais à Signe de vie, si je dis pas de bêtises. J'avais une confusion sur le coup avec Ligne de vie de Serge Avedikian. Donc c'est ça que je voulais éviter. Mais voilà, des gens comme ça qui d'un seul coup se concentrent sur ce qui est l'intimité d'un couple, d'un individu, et avec une élégance de style. Alors est-ce que c'est pas ça? Est-ce qui va rejoindre cette question de l'élégance affichée dans la French Touch? Je sais pas l'élégance, je sais pas. Une audace. L'élégance de l'animation. Donc, et l'idée serait, on a cette partie économique, et peut-être donc dans des thématiques, Francis aborde quelque chose d'autre, il y aurait des thématiques, et notamment là l'intimité, voilà, qui seraient utilisées de manière différente, parce que je faudrait regarder, ce serait intéressant qu'on aura la thèse sur le corps de Blanche et animation. Non, ça serait intéressant d'imaginer des thématiques. Juste parce que le temps passe tellement vite, est-ce que la French Touch aujourd'hui, si elle a existé, est morte? Car je le fais exprès pour voir si vous réagissez, car les écoles, justement, ne sont plus dans cette diversité. Et que finalement, aujourd'hui, on reconnaît un film des Gobelins, on reconnaît un film de La Poudrière, on reconnaît un film, allez, quasiment les deux seules écoles qu'on ne connaît pas, qui sont à la rigueur l'ENSED et l'EMCA, parce que des fois, on ne sait pas trop. Mais est-ce que finalement, une grande partie des écoles, Superfocom, le MOPA, etc., on reconnaît et on dit, ça, c'est un film de telle école. Et que finalement, ça supprime cette belle diversité dont vous parlez depuis le début. Non, c'est drôle que tu dis ça. Effectivement, on reconnaît les films de l'ENSED, mais ça n'empêche que, enfin, moi, je suis toujours épaté. Il y avait Serge Elissalde. Je ne parle pas de ça, excuse-moi. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je me permettrai pas, je dis juste que pour finir sur la French Touch, vous parlez d'université et que cette diversité. Je pense que l'audace est toujours là. Non, je pense que l'audace est toujours là. Serge Elissalde était au studio des Ursulines il y a 15 jours, il donnait une masterclass, il présentait son dernier court-métrage. Et surtout, comme il est directeur des études à l'EMCA à Angoulême, il montrait le travail qu'il fait faire à ses étudiants, à savoir que, bon, moi qui travaille à la radio, ça m'a beaucoup touché. Il travaille avec une école le qui est spécialisée dans les documentaires radiophoniques et il donne ce matériau et je sais que la bande-son dans un dessin animé, c'est toujours compliqué. Il donne ce matériau à ses étudiants et les étudiants le mettent en image. Et j'ai vu des trucs absolument magnifiques. Mais alors vraiment, j'étais juste bluffé. Et donc, je pense que la diversité est toujours là. Et tout à l'heure, on parlait... Donc, j'ai bien compris que tu n'aimes pas ce film, Garden Party, produit un film de fin d'études du MOPA. Et les trois films que j'ai vus dans la sélection du SIGGRAPH, donc des meilleurs films d'animation en images de synthèse cette année, il y en a deux qui sont des films de genre réalisés par donc, des étudiants de fin d'études au MOPA, et j'étais juste bluffé. Je me suis dit, waouh, pas mal, quelle audace. Donc, je pense que le début de Garden Party est bien, on parlera pas là-dedans, et que ça se corse. Bah, esthétiquement, donné. Quand même, c'est audacieux, je trouve. Mais bon. Donc, Nicolas, est-ce que par rapport à cette question, et je vous demande vraiment rapidement qu'on puisse, comme je vous avais demandé quelques titres pour les auditeurs qui puissent savoir. Voilà. Je peux me tromper complètement aussi par rapport à ça. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu deux types d'écoles aussi. Il y a des écoles qui forment clairement beaucoup plus des techniciens, et il y a des écoles qui ont un peu plus vocation à former des auteurs. Sauf des que La Poudrière, tu reconnais un film de La Poudrière qui est... Ah, tu considérais que La Poudrière est des techniciens? Non, je considère que c'est plus auteur, mais je considère pas forcément, à part sur une question qui est extrêmement narrative, on va dire, considère pas qu'on reconnaît forcément... Ça raconte une histoire. Oui, mais ça, c'est un exercice qu'on leur demande à faire, mais c'est pas forcément reconnaissable d'un point de vue stylistique, graphique, etc. Il y a quand même choses un peu différentes. Okay. Enfin, pour moi, c'était ça. Tandis que, par contre, je suis d'accord avec le fait qu'on prend un film de MOPA ou autre, on reconnaît quand même un petit peu le style, beaucoup plus quand même. On prend des films de l'EMCA ou alors de l'ENSAD, on les reconnaît moins. Mais ça, ça reste un petit peu pareil aussi ailleurs. Mais en quoi ça serait antinomique avec la French Touch? Ça, je comprends pas, Alexis. Je dis juste que moi, puisque je reviens à ce que entre guillemets, disiez, pour reprendre ce terme. Puisque vous disiez que la French Touch était la diversité, je disais que cette diversité pour moi n'existait plus. Mais chaque école a sa diversité pour le coup. Hein. Moi, école a son. Sauf que on va plus loin. C'est-à-dire que, et encore une fois, on va vraiment pas avoir le temps. J'aimerais faire une dernière coupure musicale avant que vous ne daigniez vos liste, c'est je me demande en effet si à partir de ce moment de cette French Touch qu'est la diversité, on l'a moins aujourd'hui dans les écoles et qu'à partir du moment où on peut reconnaître, moi j'ai encore, alors après vous pouvez me dire, est-ce qu'on reconnaît les productions des films du Nord, est-ce qu'on reconnaît des productions Sacre Bleu, etc. Bah oui. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a certains autour de Mignon, on les reconnaît. Il y en a plein d'autres. Miu de moins en moins. Iki Film. Je suis désolé, entre Negative Space et Choulienne. Enfin, bon, c'est des films vraiment bien différents, quoi, presque à l'opposé. Et donc il y a encore cette force, cette diversité. Même Papy 3D, qui, si on pouvait considérer que certains films se ressemblaient, d'un seul coup avec Jonathan Hodgson ou des choses, d'un seul coup, dynamite aussi cette unité qu'il pouvait y avoir. Francis, un dernier mot avant la coupure musicale. Mais me regardez pas tous comme ça. non, mais je sais pas. Après, c'est après de toute façon, moi j'ai envie de dire qu'on passe dans un autre niveau de toute façon qui est une problématique cinéma. C'est il y a la part industrielle, il y a la part artistique. Comment les deux se rencontrent ou pas, comment les deux s'opposent. Moi, quand je lis encore un super marronnier dans les Échos, l'animation recrute à tour de bras, et où à la fin on nous dit que Timto crée une école spécialisée 3D sur 6 mois pour former des animateurs. Moi, effectivement, ça me fait penser au MEDEF et on est dans une logique où on n'est plus dans l'éducation, donc on n'est plus dans l'apprentissage, on n'est plus dans la remise en cause du monde, dans l'intérêt du doute, on est dans l'insertion professionnelle. Donc bien sûr qu'il faut bosser. Je fais exprès, c'est un peu provocateur, Laurent. Bien sûr qu'il faut bosser. Peut-être pas exagérer, moi. Peut-être que j'exagère sur les intentions de Justo et ça, je suis d'accord. Mais voilà, là, on est. Peut-être que c'est un moment passionnant qui est en train de se dérouler. On s'en rend peut-être pas encore compte parce qu'on est dedans. Que pour la première fois, peut-être il y a une vraie friction entre industrie et art, comme elle existe dans le live, dans le cinéma d'animation, et qu'effectivement il y a des écoles qui vont plus entre guillemets former des auteurs. Quand tu disais on reconnaît les films de La Poudrière, à la limite je pourrais dire que c'est la question qu'on posait il y a peut-être 10-15 ans en disant on reconnaît les films de l'FMIS. Bien sûr, ouais. Tu vois, aujourd'hui c'est un peu moins vrai, donc peut-être qu'il y a des passages, mais il y a voilà, des endroits où on va former plus des auteurs, Art Déco, MK La Poudrière, et puis d'autres plus des techniciens. L'un ne s'oppose pas à l'autre, parce qu'il y a des techniciens qui sont vachement doués et qui vont devenir des auteurs passionnants et qui ont fait Les Gobelins. Donc non, il y a peut-être comme ça en ce moment des plaques tectoniques dans l'animation, enfin. Waouh, j'adore en fait, on sent qu'il fait de la radio parce que ça arrive juste au bon moment. On va prendre, il fallait évidemment passer au moins un morceau, je pense, d'un des albums qui va être un des albums importants de cette fin d'année. Son nom est seulement, d'ailleurs pas très loin d'un nom d'un pseudo d'un réalisateur, son nom est Ron. C'est sûrement avec Mirapolis l'album en tout cas moi qui m'a le plus touché, qui est vraiment d'une grande force. Vous allez écouter un des morceaux, il y a deux morceaux sublimes, notamment avec Saul Williams au chant. On va écouter Everything et on se retrouve après avec la liste de nos trois invités sur les films pour eux français qu'il faut connaître, ou en tout cas qui sont intéressants pour voir. On écoute le dernier morceau, Nicolas, et on revient après. Merci. Here is your chance to belong. Your chance to belong. You were wrong. Bought into that simple shit because it felt good, and you needed it to feel good. You needed it, you needed it, you needed it, you needed it. But you don't really need it like I need you. I need you right now. Just to listen for a minute. You don't need that simple shit. Cause all these borders are fake. All these nationalities are fake. All these categories are fake. How did you expect it to take shape? I saw you, I saw you, I saw you playing along just like everybody else. Everybody else. You thought it was funny. You thought it was cool. You loved everything. Everything. Mm. you can't love everything. Not everything. Et voilà, c'est Antenne, et comme vous vous rendez compte, les gens parlent. Et là, une grande discussion entre les deux. Vous avez à peu près 5 minutes, messieurs. Donc, vous avez à peu près 1 minute 30. On va commencer par le plus jeune, Nicolas Tisse. Donc, pour une liste... Donc, l'idée, voilà, c'était une dizaine de films vraiment importants pour vous, au niveau de l'animation française, si je me tais. Oui, donc, pour nous, c'est-à-dire non pas des films, comme tu disais, ultra importants historiquement ou esthétiquement, voilà, et qui a pioché un peu partout. Donc, bah, disons, comme tout à l'heure, tu m'avais dit qu'on pouvait mettre des séries, chose que je ne savais pas, bah, je vais peut-être en rajouter une ou deux et en enlever quelques autres. Mais donc là, je mettrais notamment au niveau des séries, justement, deux que j'ai déjà citées, je pense, Les Mystérieuses Cités d'Or et Les Mondes Engloutis. Au niveau. Après, sinon, je mettrais bien aussi, mais c'est pas de l'animation, donc on va le mettre entre parenthèses, Téléchat. Okay. Mais bon, il y a Roland Topor quand même. Donc, bon. L'idée de Bertolt Bartosz, Les Astronautes de Borowczyk, Le Masque du Diable de Lagioni, Jasmine d'Alain Huguetto, Le Loup Blanc de Pierre-Luc Grandjean. Voilà, je ne sais plus si j'en ai 9 ou 10, combien, mais bon, c'est pas une belle liste que je renoterai de toute façon pour pouvoir les mettre. Laurent. Moi j'avais envie de commencer tout bêtement par les Shadok, parce que pour le coup on est en plein dans la French Touch, même si c'était avant 1981 et avant Jacques Lang. Le journal de Sébastien Lugenbach, que j'ai découvert à sa sortie, qui m'a absolument marqué, parce que je me disais c'est quand même incroyable, ce mec il fait des journaux intimes et il sait dessiner ses journaux intimes et il se dessine à poil sur son lit. Enfin bref, c'est un film que je trouvais très audacieux et pourtant avec juste quelques traits. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une nuit sur le Mont Chauve, fait sur écran d'épingle, parce que pour moi c'est l'ancêtre à la fois du pixel et de l'impressionnisme, parce que le fait qu'il arrive comme ça, Alexeïev, avec en plantant 5000 épingles sur un tableau et juste en les bougeant et en travaillant sur l'éclairage à recréer un monde qui bouge, pour moi c'était juste vraiment ce qu'il voulait faire, à savoir ces eaux fortes en mouvement. Et puis après, ben, Skizen, que j'ai beaucoup aimé, de Jérémy Clapin, parce que c'est un film surréaliste qui me touche énormément et qui est très simple mais très très très émouvant, en fait. Je me répète là, très simple et très émouvant. Peur du noir, parce que j'adore le fait que Prima Linea ait commandé à des graphistes de bande dessinée d'animer, d'essayer de faire de leurs dessins des dessins animés. Et parce que des fois c'est raté, et là c'était complètement réussi, qu'on avait 8 dessinateurs. Bon, je vais peut-être pas aller jusqu'au 10, parce que sinon je vais pas assez. Ce qui reste 20 secondes. Ah, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, j'aime beaucoup Une vie de chat. Voilà, c'est du Picasso en mouvement. Et que c'est le parfait mélange entre film pour les enfants et film graphique beau. Francis, ouais. Alors moi, je me rends compte en fait que c'est une. À part La Planète Sauvage de René Laloux, qui reste un émerveillement à chaque fois, et quand je l'avais redécouvert à la Bibliothèque nationale de France, projeté par Laurent pour la soirée de lancement du livre, bah c'est vrai que c'était absolument éblouissant. On revient toujours dans le film, et donc je me rends compte que j'ai des choses très très récentes. Voilà, donc ça fera des compléments en fait. Alors on retrouve dans ma liste, comme chez Nicolas, Jasmine d'Alain Huguetto, qui est quand même pour moi un des grands chocs, mal accueilli partout, mais c'est vraiment un scandale absolu. Mais sinon, j'aurais pas créé le prêt André Martin, donc c'est bon. Yaskixagne comme chez Laurent, parce que oui, voilà, c'est un film. Chaque vision nous ramène quelque chose de plus. Et après, j'y vais, je déboule. Ernest et Célestine de Benjamin Reiner et Pataré Aubier. Ensuite, alors voilà, quelques courts-métrages quand même. Non, d'abord un autre long-métrage, La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach, parce que je savais pas lequel choisir. Mais que c'est un choc au niveau du long, d'un seul coup, ce que nous propose Sébastien Lodenbach. Allez, une série de courts, La nuit américaine d'Angélique, de Joris Clerté et Pierre-Emmanuel Niet, Brume, Caillou et Métaphysique de Lisa Matouza, car on ne se refait pas. Mademoiselle Kiki et les Montparnasse d'Amélie Harrault. Et puis, tant parler il y a quelques instants, en croyant que je voulais parler d'elle, mais non. Mais maintenant, j'en parle. Apnée de Flora Molinier. Et on finira avec un film institutionnel qui est digne d'Alain Resnais en live. Un grand film, Le chercheur et son article, de Charlotte Arène. Et merci beaucoup à tous les trois. On aurait pu en dire des tonnes. Moi, je rajouterais juste Pistache de Valérie Pierson. Parce que Valérie Pierson, et ce film est exceptionnel. Je crée Contre la vie ou pour elle de Virgin Keaton et Malban d'Élodie Bouédec. Voilà, trois réalisatrices absolument passionnantes et presque trois, non pas qui viennent de l'ENSAD, Virgin Keaton ne venant pas de l'ENSAD, mais deux qui viennent de l'ENSAD. Donc on espère bientôt le film dans quelques années d'Anaïs. Merci beaucoup à vous tous. Évidemment, merci. L'idée n'était pas de finir de savoir ce qu'était la Fratchette Choupa. L'important, c'était d'avoir cette discussion. J'espère que le débat a été, en tout cas moi, j'ai trouvé passionnant, donc qu'il vous a plu aussi. On passe directement. Je remercie bien évidemment, comme d'habitude, Nicolas, sans qui cette émission ne se ferait pas. Et donc, nous passons à l'émission d'après. Merci beaucoup. À très vite. Bye bye.